Mais moi, je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais, son avenir, c'est le métissage. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 2, épisode numéro 3. Je vous invite à nous contacter sur email si vous le désirez, je vous donne tout de suite l'adresse, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous quand vous écoutez notre émission sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, vous recevez les alertes. Également la publication sur Facebook, notre page Facebook qui s'intitule tout simplement Démocratie Participative, vous recevez aussi les alertes. Et notre compte SoundCloud a été bloqué pendant les deux dernières émissions, ne vous inquiétez pas, il est de nouveau opérationnel, donc la prochaine émission, cette émission, sera aussi sur SoundCloud. Et vous retrouvez les deux émissions antérieures, je m'en assurerai. Chers amis, sans tarder, je vous présente nos participants de cette semaine, et je commence avec Frédéric Dans-l'Évier. Salut Fred. Salut, ça va très bien. Moi je m'éclate avec les premiers jours de la présidence Trump. Qui signe des executive orders dans tous les sens, pour construire le mur, pour geler l'embauche des fonctionnaires, enfin absolument tout et n'importe quoi, faire baisser les impôts. Donc oui, moi je suis positif en ce moment. C'est bien, on va en parler dans l'émission justement. Notre ami Derek. Salut Derek. Salut. Ça va, la forme ? Oh, ça coûte, on fait aller, hein, oui. On fait aller tranquillement. Poporovitch, salut Poro. Shalom alaikum à tous. Ouais, ça va. Bien. Salut Fulbert, comment vas-tu ? Eh bien, ça va bien, je vous remercie. Bonjour à tous. Argyle, tu nous as manqué et on nous a fait observer que ta présence était regrettée. Je suis content donc de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bah vous aussi, vous m'avez manqué. Je suis ravi de faire cette émission. Et puis, comme la plupart d'entre vous, j'imagine, je bois du petit lait depuis une semaine. Et j'espère que le taux de suicide chez les gauchistes américains va largement augmenter avec ce que Trump est en train de leur mettre dans la gueule. Donc voilà, je suis ravi, je suis content, je suis motivé. Ça fait une semaine qu'il est président, et effectivement, il les a déjà passablement éclatés, ça c'est un fait. Et Opma America, Captain America, salut Captain, content de t'avoir avec nous aussi cette semaine. Heil Hydra, hein, comme on dit en allemand. Donc bonjour à tous, ravi d'être parmi vous encore aussi cette fois-là, et en avant Guingamp. En avant les nègres, donc. C'est en avant Guingamp, hein, voilà. Alors, je vais commencer, avant d'entamer nos rubriques, par les commentaires. Certains commentaires qui ont pu retenir l'attention suite à notre dernière émission. Alors évidemment, il y en a beaucoup. D'ailleurs, j'invite ceux qui nous écoutent à commenter. N'hésitez pas, dites ce que vous pensez, même si c'est juste une ligne. Ça peut être intéressant. Et on a eu deux commentaires que j'ai estimés utiles de discuter avec vous, comme ça, vite fait. Hein. C'est le premier, je le cite tel quel. Alors évidemment, c'est écrit très très vite, hein. faut pas faire attention. Regardez la vidéo de Pascal Mancini, je sais pas comment on prononce, il enterre EER, égalité et réconciliation, Soral et Pupetto avec. Vous pouvez arrêter de parler de enfilage et RSA, Soral est mort, oublions-le. La réconciliation, ils l'ont dans le fion. Il n'y a plus de muses avec ses guignols, uniquement des blancs. Alors, est-ce que quelqu'un sait de quoi il retourne? J'ai vaguement vu cette vidéo circuler sur les réseaux sociaux, mais je ne l'ai pas visionnée, je le confesse. Donc, de quoi il retourne? Qui est ce Mancini et de quoi parle-t-il? Qui veut se lancer? Personne ne veut y aller? Fred, t'as vu le truc? Ouais, j'ai vu en vitesse parce que j'ai pas regardé la vidéo en entier, je le confesse moi aussi. Mais bon, en gros, Mancini, c'est un athlète suisse qui fait de la course de vitesse, il me semble. Et je crois qu'il y avait une affaire de sponsoring où Soral et compagnie devaient lui refiler 10 000 euros pour je ne sais plus quelle raison, enfin pour faire des maillots, enfin, bref. Et finalement, après l'agression de Conversano dans l'émission là, de Dieudonné, Mancini s'est désolidarisé de Soral, qu'il a trouvé, ma foi, très racaillou. Je n'en sais pas plus, si quelqu'un veut élaborer, allez-y. Mais effectivement, à ER, il reste, à mon avis, plus grand monde, à part les désespérés de la de drague et voilà. Je ne sais plus quel à part quelques arabes et les salariés, effectivement. Oui, voilà, c'est quand même très restreint. D'accord. Et ce Mancini oui, alors... avait un... Vas-y, Argal, ouais, vas-y. Oui, moi, ce que j'en ai su, donc je vais pas regarder la vidéo jusqu'au bout, parce que il a l'air très sympa, Pascal Mancini, mais par contre, la vidéo est très très chiante, elle dure 50 minutes, et en fait, il raconte ce qu'il a vu, puisqu'il était présent avec Daniel Conversano lors du sketch de Soral et de l'agression de Soral. Lui, Mancini, était jusqu'alors, jusqu'à cette émission, un soralien, bon, qui est un peu plus intelligent que les autres, puisqu'il sentait quand même qu'il y avait des choses qui n'allaient pas forcément. Et là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et donc il a pris parti pour Conversano. Il s'est aperçu qu'immédiatement les soraliens et le gourou l'ont rejeté, hein, puisqu'il n'a pas soutenu le grand chef. Et donc voilà, il fait un témoignage en fait de ce qu'il a vu, de ce qu'il a ressenti, et surtout aussi de l'escroquerie que peut représenter égalité et réconciliation aujourd'hui comme hier, hein, d'ailleurs. Donc voilà, c'est encore une fois quelqu'un qui se détache de Soral et qui s'aperçoit que sa ligne politique et aussi son fonctionnement interne, humain aussi, est complètement pourri, quoi. Donc voilà, c'est un témoignage de plus contre Alain Soral qui semble véritablement, voilà, on dirait un gourou de secte, et il va sur une ligne que de moins en moins de blancs lucides peuvent soutenir. Après, voilà, il fait ce qu'il veut, mais il va se retrouver principalement plus qu'avec des afro-maghrébins avec qui il faudra encore faire de la surenchère pro-islamique, pro-musulmane, afin systématiquement d'essayer de les flatter pour conserver un petit peu d'audience. D'accord, bon, très bien. Je vous remercie de cet éclairage. Donc, réponse est faite à ce commentaire. Deuxième commentaire, avant de passer donc à la rubrique autisme radical. Je vais vous le lire tel quel. Ça n'appelle pas forcément de commentaire particulier ou d'analyse particulière. Hein. J'ai trouvé que c'était assez intéressant. Alors, voici ce qui. C'était en réaction au passage sur la féministe qui avait agressé finalement le technicien d'Orange au prétexte que ce dernier lui avait dit par SMS ou texto, je ne sais plus. Enfin, je ne sais plus comment, par quel moyen, mais il lui avait dit qu'elle était jolie. Alors, le débat en commentaire a dévié sur les questions, justement, pourquoi ces minorités agressives, féministes et autres. Et là, il y a une réponse intéressante, je la lis. Nietzsche dirait que cette maladie est celle d'une volonté de puissance réactive qui trouve dans son humiliation et son anéantissement, entre parenthèses, haine de soi, de son peuple ou de ce qui nous ressemble, au point de prendre l'autre avec un grand A comme référent premier, il continue, une modalité d'exercice qui permettrait sa propre conservation. Cette modalité d'exercice de la puissance est identifiée par ce dernier dans le personnage conceptuel du prêtre juif, qui aura retourné toutes les valeurs actives et aristocratiques en valeurs réactives fondées sur la haine de soi et de la vie, en réinterprétant tous les phénomènes de la vie à l'aune de leurs ressentiments. Il est remarquable que toutes les valeurs antinaturelles, réactives, professées par ce personnage, donc la gonzesse en question, se retrouvent dans tous les mouvements post-chrétiens sécularisés de la modernité, que sont féminisme, lutte des classes, apologie du métissage et de l'autre, etc., avec exactement la même dynamique de validation sociale narcissique, dans sa propre humiliation, que tu décris, donc il répond à la personne, l'antagonisme oppressant oppressé, une fin de l'histoire fantasmatique, faite de paix mondiale et d'abolition de la hiérarchie et des différences. Alors ça paraît un peu, oui, il faut le relire, il faut le réécouter, je vous invite d'ailleurs à aller voir dans la partie commentaires. J'ai trouvé ça assez intéressant, le fait qu'effectivement, toutes ces minorités agressives étaient vraiment dans une logique, effectivement, de refus de toute hiérarchie, de toute norme, d'être dans une position de réaction fondamentale et destructrice, et non pas créatrice, ni de proposition d'ordre. Et j'ajouterais que nous sommes maintenant dans une situation où ce sont ces marges agressives qui ont maintenant imposé leur dogme, leur doctrine, tout en haut de l'ordre social, de la hiérarchie sociale, et que ce sont des gens comme nous, qui sont plutôt des gens de création et de valeurs positives, qui sommes relégués aux marges. Et ça, c'est un retournement tout à fait considérable. Voilà, donc c'était un commentaire que j'ai trouvé pertinent. Je pense que maintenant, on peut passer à nos rubriques. Voilà, rubrique numéro 1, autisme radical, sujet numéro 1 de cette rubrique, il y en aura deux. Benoît Hamon, fier d'être appelé Bilal. Alors ça a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Je vous propose d'écouter tout de suite l'extrait en question. Il était en meeting à Montreuil, hein. il était déchaîné. Il était devant un parterre de supporters à Montreuil. On l'écoute et ensuite on se retrouve. L'extrême droite, dans sa tradition raciste, xénophobe, antisémite, islamophobe, a décidé sur Internet de changer mon prénom. Et donc, Benoît Hamon s'est transformé, et je veux les remercier, c'est un très joli prénom, hein, en Bilal Hamon. Dans leurs yeux, moi je suis fier qu'ils m'appellent Bilal. Et je serai fier aussi qu'ils m'appellent Élie, David, peu importe. Mais tous ces noms qu'ils détestent, eux les antisémites, eux les racistes, à qui nous ne laisserons ni la France, ni la République. Alors, donc là, je cite l'article de presse qui accompagne cet extrait vidéo. Face à la foule, donc, comme vous l'avez entendu, venue l'applaudir à Montreuil, le candidat à la primaire de la gauche, arrivé en tête dimanche soir lors du premier tour, s'est dit fier qu'on l'appelle Bilal. Me voilà aux yeux des racistes, des xénophobes, rebaptisé d'un très joli prénom, à mes yeux, a-t-il lancé. Bilal étant le nom du premier muezzin de Mahomet, hein, faut-il le savoir. Alors, quelle est votre réaction sur cette, finalement, sur cette victoire un peu surprise de Hamon, ce deuxième tour des primaires qui voit s'affronter Valls contre Hamon, et donc le ton qu'utilise Hamon pour visiblement draguer complètement, les halogènes de la base socialiste ou potentiellement sympathisants. Qui veut réagir là-dessus ? Allez, Derek, c'est toi qui réagis. Oui, juste je veux noter que, il me semble, hein, d'après les sources islamiques, que le Bilal en question est un nègre. Voilà déjà, c'est un nègre, ouais. Exactement, donc il est musulman et c'est un nègre, donc ça fait ton sur ton à Montreuil, hein, ceci étant. Fier d'être un nègre musulman, quoi. C'est un nouveau concept. Exactement. Ah, il a insisté, hein, je cite, hein, bon, vous l'avez entendu, hein, et je veux leur dire à ceux qui feront la campagne de Marine Le Pen que je combattrai jusqu'au second tour de l'élection présidentielle si elle y est. Lui, c'est pas sûr, que je suis fier qu'on m'appelle Bilal, et je serais fier aussi qu'il m'appelle Élie, David, je sais pas pourquoi il pense à ces mots. Voilà, mais peu importe, mais tous ces noms qu'ils détestent, eux, les antisémites, eux, les racistes, à qui nous ne laisserons ni la France, ni la République, aux Juifs et aux Arabes, si j'ai bien compris. Donc, Et puis c'est un discours qui va... Enfin, là, c'est la deuxième ville du Mali, je crois, à Montreuil, hein. Ouais, puis je crois aussi que Bilal Hamon doit aussi draguer le vote afro-maghrébin. C'est certain qu'un PS, un parti socialiste qui a pas le vent en poupe, pour lui c'est une évidence d'aller chercher le vote afro-maghrébin. Ils arrivent à le capter cette fois-ci, mais ils savent très bien qu'ils ont déçu énormément de blancs. Alors on va dire tous les cons qui ont été votés Hollande ou les gens qui ont voté socialo. Et qui vont être très déçus. Donc là, il fait dans la surenchère pro-arabe, pro-maghrébin, pro-musulman, de telle façon à essayer de chercher un hypothétique électorat chez ces gens-là. Donc je pense qu'on va voir la gauche faire de la surenchère en vue des prochaines élections échéances électorales, de telle façon à essayer de capter un vote maghrébin, puisqu'ils savent que le vote de souche, même des gens de gauche, va plus se reporter soit sur Mélenchon, soit sur Macron. Donc j'imagine qu'il doit estimer qu'il y a là un créneau porteur, et il s'est amusé en fait qu'on l'ait appelé Bilal. Et puis au Parti Socialiste, il n'y a personne que ça va choquer. Il savait très bien qu'il pouvait dire « allez, se faire acclamer Bilal, Bilal, Bilal » comme ça, parce qu'ils sont tellement dégénérés au sein du Parti Socialiste. Le militant du Parti Socialiste est quand même quelqu'un qui est profondément ethno-masochiste. Donc je pense que ça s'est passé comme une lettre à la poste, ça n'a choqué personne au sein de son mouvement. Oui, c'est intéressant. Alors il y a une information qui a circulé, qui a été révélée par le journaliste Georges Malbruno, donc qui par ailleurs s'occupe de toutes les affaires en Syrie, au Moyen-Orient, bon, il parle de ces affaires-là. Il a expliqué que le porte-parole de la campagne de Bilal Hamon, donc, avait sollicité les, comment dirais-je, les largesses de l'ambassade du Qatar, sans succès, il a été rembarré, hein. Ils ont refusé de lui filer du cash, donc ça donne le ton, hein, donc voilà, et plus globalement, bah, tu l'as bien dit, clairement le Parti Socialiste a abandonné l'idée de faire voter le prolétariat blanc, hein, les ouvriers de jadis, qui votaient encore massivement dans les années 80 pour le Parti Socialiste, bon ça c'est fini. Ils ont de plus en plus de mal avec certaines portions des classes moyennes blanches sur la question de l'islam, donc ils se disent bon bah voilà, on assume complètement et maintenant on fait cause commune avec l'invasion musulmane et voilà, je suis maintenant Bilal Hamon et je suppose qu'à la prochaine présidentielle lui ou bien un autre protagoniste de ce pauvre parti, s'il existe encore d'ailleurs, annoncera sa conversion publique à l'islam, on peut l'imaginer. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose là-dessus? Non, mais pas partir de fait. S'il gagne, ce sera l'aboutissement du chemin emprunté par Terra Nova, hein, effectivement, c'est-à-dire l'alliance avec entre les LGBT et la crasse de banlieue de Montreuil et compagnie. Oui, parce qu'il est maire. Alors il faut dire, Benoît Hamon est maire de Trappe. Une fausse apurin du tiers-monde, par ailleurs complètement tenu par les salafistes. Mondialement reconnu. Oui, oui, il y a des photos où il se fait fort de visiter les mosquées du bled, etc. C'est assez intéressant. Donc lui, il est vraiment... D'ailleurs, il revendique sa proximité avec les frères musulmans. Il a assisté, lui ou un de ses collaborateurs... à une réunion du collectif contre l'islamophobie en France, qui est une antenne des frères musulmans et l'UOIF. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est assumé. Et face à lui, il y a Valls. Là, ça a été un peu la surprise, quand même. Les gens pensaient que Valls, candidat de la bourgeoisie socialisante, se serait imposé assez facilement. Et ça a été un peu la surprise dimanche dernier. Donc, effectivement, le truc un peu rigolo, ce serait que... Parce que là, il y a deux lobbies, en fait, qui s'affrontent. Clairement, c'est qu'il y a le lobby musulman, islamiste, et il y a le lobby juif. Hein, faut appeler un chat un chat. Manuel Valls est soutenu par le lobby juif de gauche. Bernard-Henri Lévy, Caroline Fourest, je l'ai vu monter au front tout à fait récemment, en mentant d'ailleurs, comme d'habitude. Donc on voit bien qu'il y a deux lignes. Voilà, bon, on verra bien ce que ça donne. Alors il n'est pas maire de Trappe, hein, il était conseiller municipal de 2014 à 2016. Et après, donc... Je crois que là, il est juste conseiller régional en ce moment, à ce niveau-là. Mais bon, effectivement, d'accord. Oui, il est implanté politiquement à Trappe. Hein, qui est une fausse apurin, je le sais, de... Voilà, oui. De sources... Enfin, tout le monde le sait, mais je veux dire, je connais quelqu'un qui a vécu, travaillé là-bas en tant que prof. C'est l'enfer. Hein, donc, voilà. Bon, ok. Une précision technique, en fait, par rapport à ce qui s'est passé, là, c'est que, en théorie politique, les opposants à Benoît Hamon ont fait ce qu'on appelle en anglais du branding, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes décidé comment appeler leur adversaire pour pouvoir manipuler le narratif, en fait. Et Hamon, à mon sens, il a fait en même temps, il a fait quelque chose de positif, oui, par rapport à sa ligne, par rapport à ce dont vous parliez, Terra Nova, par rapport au fait qu'il drague l'électorat immigré, c'est sûr, en se revendiquant ainsi, bon ben voilà, il met des points dans son escarcelle par rapport à eux. Mais, en même temps, s'il y a des gens, s'il y a des blancs, plus ou moins de gauche, qui avaient des doutes, en acceptant ce terme-là, donc en se laissant brandé, quoi, se laissant dénommer par ses détracteurs, il perd en fait cet électorat-là. Donc, bon. On peut même, on peut même se demander si c'est pas lui quelque part qui a lancé une fausse polémique. Tu vois, moi je sais même pas. Tu vois, j'ai pas été vérifié sur les réseaux sociaux. Mais à chaque fois c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a eu, c'était quoi les noms? Parce que c'était Ali Juppé. Bon bah c'est vrai, il est cul et chemise avec les frères musulmans. Farid avec Fillon. Ouais, Tarek Obrou, bah c'est un fait. À Bordeaux, Juppé et cul et chemise avec les frères musulmans, l'UOIF, c'est un fait. Fillon, un peu plus... Il a essayé de se faire une virginité, mais bon, c'est quand même le premier Premier ministre de la Ve République, et même de toutes les républiques et de tous les gouvernements français, qui a assisté à l'inauguration d'une mosquée sur le territoire français. Ça, c'était jamais vu. C'est Fillon qui l'a fait. Il s'est fait baptiser Farid Fillon. Maintenant, on a Bilal. Et j'ai vu que Henri de Lesquin... de Radio Courtoisie a osé une Malika Le Pen parce qu'il y a eu une photo d'elle serrant la main de Comorien dans une mosquée avec un imam et tout, un truc dans le genre quoi. Bah, la déclaration la plus elle est discutable. Bon, moi je m'en fous, je suis pas républicain, mais elle a dit que l'islam était compatible avec la République. Juridiquement c'est vrai. Je veux dire, c'est un culte, il peut être exercé et tout. Mais on s'entend, c'est-à-dire qu'il y a, il y a autre chose derrière. Ça veut dire qu'en fait, la présence de l'islam en France et en Europe n'est pas un problème de civilisation ou de culture, et que c'est parfaitement normalisable, etc. Il faut juste respecter la loi. Donc, c'est ça qu'elle avait déclaré sur les bons conseils du docteur Philippot, qui n'est même pas docteur, d'ailleurs. Et ça lui était reproché. Et donc, la boutade de Henri de... Elle avait déclaré aussi, c'est moins connu, mais elle avait déclaré après, je crois, les premiers attentats, je ne sais plus si c'était Charlie Hebdo ou si c'était le Bataclan, qu'elle avait une pensée pour nos compatriotes musulmans qui risquaient de se faire amalgamer avec les islamistes fondamentalistes. Attention, elle avait dénoncé ça, c'était parmi tous les... c'était hallucinant de voir ça. En fait, il faut rappeler ça, ce sont des vérités, ce n'est pas exagéré. C'est que la première réaction qu'elle avait eue après ces attentats extrêmement brutaux, elle avait appelé à ne pas faire d'amalgame avec les musulmans de France. Et là, je me suis dit, c'est digne d'un communiqué de presse de la rue Solferino, quoi. C'est incroyable. Et c'est vrai. Bien vu, Argal, merci de le rappeler. Sujet numéro 2 de notre rubrique autisme radical. Alain Soral appelle à voter Benoît Hamon. Hein. Je continue sur ma lancée. Bah là, la boucle est bouclée, quoi. C'est-à-dire qu'Alain Soral, fier d'être musulman nègre jusqu'au bout, quoi. Alors, je cite. Alors, c'est Radio J. Je disais qu'il y avait deux lobbies qui s'affrontaient. Je suis pas en train de mentir. Il y avait Manuel Valls qui est intervenu sur Radio J. Il était interrogé par le journaliste Frédéric Aziza. Je crois qu'il opère aussi sur le service public, me semble-t-il, Frédéric Aziza. La chaîne parlementaire et public. La chaîne parlementaire, c'est ça. Et alors, Frédéric Aziza l'interroge longuement au sujet d'Alain Soral et du soutien d'Alain Soral à Benoît Hamon. Je vous propose d'écouter un extrait de cette interview et de la réaction de Manuel Valls, et on se retrouve tout de suite après. Donc, voilà, réaction de Manuel Valls très claire, il dénonce, il dit que c'est inacceptable, c'est ignoble, de laisser penser que peut-être Benoît Hamon aurait des sympathies pour Soral, ou peut-être serait antisémite, enfin, n'en demeure pas moins qu'Alain Soral appelle à voter Benoît Hamon pour sortir le sioniste Manuel Valls, au profit de notre ami Hamon, qui lui, par contre, est effectivement un candidat des Frères musulmans. C'est assez intéressant. Quelqu'un va-t-il réagir sur les paris politiques d'Alain Soral? Alors oui, c'est pas quelque chose qu'il a juste mis un article sur le site. C'est-à-dire que je sais par beaucoup de personnes autour de moi qui ces personnes-là n'ont jamais reçu de mails de communication de la part de ER et Soral et compagnie. Et là, ils ont reçu un mail comme, de la part de ER indiquant clairement qu'il fallait aller voter avant pour éjecter Valls. Quoi. Donc, ils ont mis en marche la machine à mailing. Bon, il faut écouter le... ceux qui nous écoutent, nos auditeurs, et amis et camarades, j'espère, ont entendu ce qu'a dit Aziza. Enfin, il a lu le contenu du texte. C'est vrai que le texte de Soral, c'est du « je suis partout ». C'est un fait, enfin, c'est une constatation. Hein. C'est vrai que c'est de l'antisémitisme carabiné, hein, y a pas de problème. Et donc, c'est « mais il mise sur l'islam », fort bien. Alain Soral a choisi son camp. Fidèle à lui-même, hein, pas de problème. Mais on attend tous un petit peu sa conversion officielle, en fait. Il se laisse désirer, tu vois. Parce que lui, tu vois, il n'a pas encore adopté un prénom musulman, tu vois, à la différence de Benoît Hamon. Il est un peu Il y a des gens qui l'appellent déjà Ali Soural, quand même. Hein. Ali Sourat. Ali Sourat. Pas ouais, sûr que ce soit ses amis. Alors, peut-être qu'il prend bien. Pour faire dans le complotisme, j'ai vu que le nom Soural était le plus répandu dans le pays, donc en Turquie. C'est là qu'il y a le plus de Soural. Voilà. Que ce soit en nombre et en. Vous aurait-il caché des choses? Qu'en proportion de la population, alors voilà. On va mettre ton père d'Assac sur le coup, je pense. Ouais, ouais. Bah lui, je sais pas, il serait peut-être aussi. Non. L'islamophobie primaire, ça suffit. Enfin, ressaisissez-vous. Bon, passons à notre rubrique suivante, chers amis. Rubrique numéro 2, élection pestilentielle. Et là, c'est le Penelope Gate. Hein. C'est le... Alors, j'étais très étonné. Parce que quand j'ai vu l'affaire sortir via le canard enchaîné, donc la révélation comme quoi Farid Fillon aurait utilisé sa femme comme assistante parlementaire, mais elle n'aurait jamais véritablement travaillé, mais aurait perçu les rémunérations, donc ce qu'on appelle un emploi fictif, en plus d'un autre emploi fictif dans la Revue des Deux Mondes, un truc obscur d'ailleurs, plus ou moins piloté par des amis de Pierre Berger et autres, donc c'est marrant comme quoi c'est assez poreux. Qui veut réagir là sur ce truc? Parce que ça prend une proportion que moi j'attendais pas. Je pensais que le climat était tellement vérolé que de toute façon les gens s'en foutaient complètement de savoir si Fillon était corrompu jusqu'au trognon, jusqu'à l'œil, jusqu'au coude. Et visiblement non, ça prend assez. Sur le fond du problème, c'est-à-dire des assistants parlementaires fictifs, c'est une pratique courante. S'il y a un certain nombre de députés qui emploient soit leurs femmes, soit leurs enfants de telle façon à les rémunérer avec l'enveloppe qui est attribuée à chaque député pour rémunérer en fait ses assistants parlementaires. Avec l'enveloppe, il est tout à fait possible d'en prendre 3 ou 4 ou un seul et de filer ça à son épouse qui ne fout pas un seul pied à l'Assemblée nationale. C'est pas très réglementé, donc à mon avis, suite à cette affaire, ça va le devenir. Il faut savoir qu'au Parlement européen, c'est beaucoup plus réglementé. D'une part, on ne peut prendre personne de sa propre famille pour être son assistant parlementaire. Ensuite, les assistants parlementaires sont obligés de pointer. Et on a vu que c'est pour ça que Marine Le Pen n'est pas très très en pointe sur l'attaque contre Fillon, parce que effectivement elle est complètement enlisée dans une histoire d'assistant parlementaire fictif au Parlement européen, et à tel point que lors de l'enquête, il y a des députés européens du Front qui ont été convoqués, à qui on a foutu des photos devant les yeux, en leur disant « Est-ce que vous connaissez ces gens et qui est votre assistant parlementaire ?» Et certains n'ont même pas pu répondre. Donc voilà, au FN, on n'est pas très très... Ah merde, c'est où ? C'est fini ? Et donc cette pratique d'avoir des assistants parlementaires au sein de sa propre famille, donc du coup je crois qu'il y a eu des statistiques de fait, il y a à peu près 15% des assistants parlementaires sur les 900 parlementaires français, je parle donc de sénateurs et de députés, qui sont des membres de leur propre famille. Donc voilà, ça permet d'aider la famille. Quand ça ne permet pas d'aider aussi de faire des emplois fictifs. Alors en plus, pour un député, c'est absolument nécessaire d'avoir un véritable assistant parlementaire, ou alors ça veut dire qu'on est simplement député et qu'on ne prépare absolument pas ses dossiers, enfin sur les lois, les projets de loi qui sont présentés. Donc ça, je pense qu'il y en a qui n'en ont rien à secouer, ou alors qui ne vont jamais à l'Assemblée nationale, ça il y en a également. Mais voilà, c'est une pratique courante en fait qui a été révélée là, et a priori les fuites viendraient non pas de la gauche, mais des bons amis des Républicains de François Fillon. On parle de Sarkozy, peut-être de Juppé, c'est peut-être plus de Guénot aussi, parce que là ils sont dans une... Il y a Guénot qui est en train de se faire virer des Républicains parce qu'il a opposé une résistance en fait, puisque bon, Guénot, on va pas parler de lui, mais disons que c'est un peu un déçu du fait que Sarkozy n'ait pas réussi à opérer un retour, et peut-être qu'effectivement ça vient. Il y a Guéant aussi, Guéant qui a été condamné à la prison ferme, on n'en parle pas de lui. l'ancien... Et l'immonde pute arabe Rachida Dati, qui en fait, Fillon vient de foutre NKM sur... Oui. Vient d'accorder la vestiture pour les élections législatives à NKM sur la circonscription où Rachida Dati est élue. Et quelle visée. Oui. Et Rachida Dati avait déjà en 2014 attaqué Fillon sur justement comment c'est la façon dont il dépensait son enveloppe pour ses assistants parlementaires. Bah voilà, bon, donc il est possible que ce soit venu de la beurette. Hein. Bah, c'est simple, c'est que simplement Fillon est en train de prendre le pouvoir, il nettoie tous les derniers sarkozistes et ça règle des comptes et pour le coup ils ont fait mal quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Bon, mais l'image, de toute façon, je veux dire au-delà de ça, au-delà du cas de Fillon, de tout ça. Là, on a une présence, une présidentielle qui est intéressante parce qu'il y a beaucoup de volatilité. Et puis, on voit vraiment le niveau de corruption générale et de médiocrité en plus, parce qu'ils se font même pas gauler pour des scandales, je veux dire, vraiment volumineux, gigantesques. On pourrait se dire, bon, les gars sont des voleurs, mais des voleurs de haute volée. Non, c'est des trucs minables qui pratiquent probablement depuis 25 ans. Tout le monde le fait, ils se disent, bah, puisque tout le monde le fait, personne ne me dira jamais rien. Le type, il va à la fraîche aux élections. Et puis tout d'un coup, ça sort parce qu'en fait, il y a des règlements de compte d'arrière-boutique assez sinistres. Ah oui, là, c'est des petites cuillères dans le sac à main, quoi. C'est de ce niveau-là. Hein. Oui. Ils ont tellement l'habitude de gratter, de tout piquer, de voler que c'est très facile de prendre un truc parmi d'autres. Voilà, c'est pas une escroquerie à la Madoff. Non, c'est vraiment, on se sert comme des pillards, quoi. Comme des migrants en face dans une FNAC ou un magasin d'électroménager ou d'alimentation. Hein, voilà, une bande de pillards. Là, t'as les Roms de l'Assemblée nationale, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, on continue toujours, parce que moi, j'ai découvert un truc avec Farid Fillon. C'est le nom de son avocat, je ne connaissais pas. Et c'est Le Figaro, dithyrambique, au passage, qui nous le fait découvrir. Alors, je vous lis l'article du Figaro. Il est paru pas plus tard qu'il y a deux jours. Qui est Antonin Lévy, l'avocat de Farid Fillon. Un juif. C'est une histoire au long cours, car les deux hommes se sont rencontrés en 2012, en des temps bien troublés. À cette date, Antonin Lévy, jeune et brillant avocat, bon, dixit Le Figaro, hein, rencontrait François Fillon, alors que celui-ci briguait la présidence de l'UMP et s'en faisait souffler le titre par son concurrent Jean-François Copé, lui-même voleur et lui-même... Voilà. Super. Non, sans se battre. Alors là, l'article cite une déclaration. François Sureau, l'avocat de François Fillon, et moi, donc là c'est Antonin Lévy qui parle, et moi nous sommes retrouvés un samedi au petit matin devant le siège de l'UMP avec greffier et huissier. Il a dû en rester quelque chose, sourit le jeune avocat qui a coché toutes les cases de l'excellence dans son métier et s'est créé un nom dans le carré restreint des grands avocats pénalistes d'affaires. Protégé par les plus grands du métier, François Sureau, Jean-Michel Darroy et Olivier Metzner, il a su faire oublier qu'il était le fils de son père, Bernard-Henri Lévy. À son actif, un parcours impeccable qui l'a mené jusqu'à la conférence du stage et à des clients parmi le CAC 40. Cerise sur les gâteaux, mes amis. Cela ne l'empêche pas, par ailleurs, d'être actif dans l'association Pierre Claver en faveur de l'intégration des demandeurs d'asile. C'est devenu tentaculaire, s'amuse celui qui préfère rester discret sur ses activités annexes. C'est extraordinaire. On a des avocats millionnaires trotskistes, fils d'Henri Lévy, l'agent de la CIA proche de Clinton, qui soutient Fillon dans les affaires pourries. Mais c'est magnifique, mais je veux dire, c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux. Ça voudrait dire vraiment... que Fillon n'est pas le candidat anti-système, non. Mais c'est un candidat catholique qui défie le nouvel ordre mondial, cher ami. Ah ouais. N'est-ce pas, Derek ? Il faut le savoir. N'est-ce pas, ouais. Derek ? Moi, ce que j'avais déjà dit... À vous, tes erreurs de jeunesse. Absolument pas. Ce que j'ai dit, c'est que la campagne de Fillon était très bien. C'est-à-dire, c'est aussi au niveau campagne. Après, ce qu'il est derrière, effectivement, je ne suis pas dupe. Hein. D'accord. Bon, bien. Un mea culpa timide, mais accepté. Pas du tout. Bon. L'avocat de Fillon aurait-il un lien de parenté avec le délicieux Thierry Lévy, qui est avocat lui-même et qui avait été invité pendant un temps dans des émissions où on parlait de pédophilie. Vous savez, un vieux borgne. Oui, Thierry Lévy. Cyclope. Monde. Non, c'est le fils à BHL, c'est ça? C'est le fils à Bernard-Henri Lévy, je ne sais pas combien oui, il en a. Oui, mais le fameux Thierry Lévy, ça ne vous dit rien? Mais ouais, si, mais bien sûr que oui, si, on c'est... connaît. Mais en plus, c'est vous dire à quel point ce milieu est vérolé. C'était un Thierry Lévy qui est un, enfin, qui a menacé Dieudonné Mbala en direct sur le plateau de Tadei pour justement avoir été antisémite. Vous vous rappelez cette phrase? D'abord, il y a les procès, puis ensuite, je crois, il y a les coups, quelque chose comme ça. Il a, le même, Thierry Lévy, était un ami de Vergès, qui lui était un métis franco-vietnamien communiste, proche de l'ancien régime criminel des Khmers rouges et du régime criminel maoïste en Chine, et qui était un soutien de toute l'internationale rouge, notamment anti-sioniste. Et c'est très marrant, parce qu'il y a des relations comme ça derrière boutique qui paraissent assez surprenantes. Et donc voilà, donc le fameux Thierry Lévy dont tu parles, le cyclope qui s'était donné en spectacle chez Tadei, avait des amitiés anti-sionistes. Et pas des moindres. Comme quoi. Comme quoi. De toute façon, de Lévy chez les Juifs, il y en a des bataillons entiers. Et comme ils sont en endogames, il y a toujours un petit lien de parenté quelque part. Hein. Ah bah, par définition, si tu t'appelles Lévy, c'est que tu as un lien de parenté avec un autre Lévy, même s'il est éloigné, bien sûr. Ouais, c'est une tribu, je crois. Hein. Donc ça fait partie des deux tribus d'Israël, les Lévy. Oui, ça raconte pas la consanguinité d'un Juif algérien, alors. Ah, bah, effectivement. Enfin bon. Antonin Lévy, fils de Bernard-Henri Lévy, déjà ses petits doigts crochus un petit peu partout. Quoi. Dans la boutique Fillon. Ouais, entre autres. Dans la boutique Fillon. Quoi. Du catholique pro-Poutine, hein, attention, hein, là on est dans la droite dure. Hein. Alors, poursuivons, chers amis, poursuivons. Toujours dans la rubrique élections pestilentielles, nous sommes donc en pleine course avant l'élection à venir, ça se précise maintenant, hein. C'est le Front National, en déplacement, semi-officiel en Israël, on ne sait pas bien, pourquoi ? Parce que, alors, je viens sur les faits, Nicolas Bay, numéro 3 du parti, s'est rendu en Israël. Alors, après l'échec du Canada, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous référer à la visite de Marine Le Pen au Canada qui avait été un vrai désastre. Elle avait pu rencontrer aucun officiel. Elle avait été littéralement traînée dans la boue dans les médias. Vous imaginez. Après l'échec américain dont on a parlé abondamment dans notre première émission de cette saison, où Donald Trump a refusé de rencontrer Marine Le Pen, elle a tenté le coup avec Israël. Elle a délégué Nicolas Bay, elle a voulu quelqu'un avec un profil un peu plus discret. Il s'est rendu sur place, et là, ça s'est pas non plus bien passé, c'est qu'en fait, ça s'est terminé par une condamnation du gouvernement israélien, littéralement. Je vous donne quelques éléments du journal Le Monde. Le journal Le Monde a interrogé toutes les personnes rencontrées par Nicolas Bay. Elles ont déclaré ignorer que leur visiteur était un homme politique lié au Front National. Le député européen a donné de l'écho à cette visite, donc en Israël, grâce à Twitter, en publiant les photos de ses rencontres. Mais entre les légendes de ses clichés, donc en fait entre ce qu'a écrit Nicolas Bay de ses rencontres et la réalité, l'écart semble considérable. Les représentants officiels de Monsieur Bay se félicitent d'avoir vu des représentants de très haut niveau, ou de haut niveau, même discrètement, notamment un colonel de l'armée israélienne, Eyal Furman, qui a été rencontré, mais a indiqué ensuite avoir quitté les lieux de la rencontre une fois l'identité de son voisin de table connue. Sollicité par le journal Le Monde, Peter Lerner, porte-parole des forces armées israéliennes, s'est entretenu avec le colonel Furman et il déclare au journal français « Il est arrivé à ce dîner quand il avait déjà commencé et il n'était pas informé de la présence d'un politicien français. Il a ensuite quitté poliment les lieux quand il l'a appris et il en a informé son commandement. » Il y a eu d'autres rencontres et alors le point d'orgue de cette rencontre de Nicolas Bay, outre le passage au mémorial de Yad Vashem, qui commémore la mémoire des morts juifs durant l'Holocauste, c'est la rencontre avec un ministre israélien, ministre de la Santé israélien, avec l'accord, dixit, de Benjamin Netanyahou. Accord ensuite nié, et rencontre absolument niée également après les faits. Et c'est très intéressant de voir que aucune photo n'avait été autorisée. Ça, c'est ce qui s'est dit. C'est-à-dire qu'aucune photo de la rencontre n'a été autorisée. Ce qui fait que, évidemment, les Israéliens ont pu nier la rencontre après qu'elle ait eu lieu, si elle a vraiment eu lieu. Alors, qui veut réagir là-dessus? Je vais juste dire, juste avant de prendre vos réactions, je vais juste citer après que ça a commencé à surgir dans la presse israélienne, dans la presse française, il y a eu une réaction du gouvernement israélien. Je cite « Le gouvernement israélien n'a pas de contact avec le Front National, étant donné l'idéologie et l'histoire de ce parti. » Voilà, c'est le ministère des Affaires étrangères israélien qui l'a expliqué via la bouche de M. Emmanuel Nachon. Je ne parle pas hébreu, donc je ne sais pas comment on dit. Voilà, cette politique n'a pas changé, précise-t-il. Le gouvernement israélien n'a pas approuvé de rencontre officielle avec le représentant du Front National. Qui veut réagir? Moi, je veux bien vite fait deux secondes. Bah, je trouve quand même que c'est d'un amateurisme comparable à l'affaire dans la Trump Tower. Ils se pointent là-bas, ils font le forcing, visiblement ils n'ont pas de contact et ils croient qu'ils vont être reçus comme ça, c'est les pieds nickelés. Et bon, bah voilà pour le fruit de 4 ans de dédiabolisation, c'est-à-dire qu'ils sont toujours blackboulés de partout et ça ne change pas, quoi. Donc bravo à la ligne Philippot, ça a l'air d'être efficace. Argyle. Oui, alors sans même parler de l'opportunité d'aller se prosterner à Yad Vashem. Quand on fait un voyage comme ça de Nicolas B pour bien expliquer à quel point il peut être con. C'est-à-dire que tu vas en Israël, surtout que le but à mon avis était de demander de l'argent, parce que là actuellement ils cherchent de l'argent pour financer, au moins qu'on leur prête de l'argent pour la campagne présidentielle. Il y va. Et a priori, il est quand même reçu, comme tu l'as dit, par des responsables israéliens qui n'avaient aucun intérêt à ce que ce soit médiatisé. Et ce connard met ça sur Twitter et en fait des tonnes, alors que soit t'es invité de telle façon à ce que tu en parles, tu puisses le faire voir, ou soit tu fais ça discrètement pour aller chercher du pognon. Mais tu fais pas les deux. C'est évident que les responsables israéliens qui avaient peut-être accepté de le rencontrer de manière discrète ont dû être outrés par le fait qu'il médiatise son voyage en Israël comme ça. Mais comme dit Porovitch, mais c'est de l'amateurisme, c'est de la nullité, mais n'importe qui a une once d'intelligence politique ne fait pas ce qu'il a fait. Alors bon, ça, ensuite, il est certain aussi qu'ils veulent absolument avoir des liens avec Israël, croyant que ça va leur débloquer toutes les possibilités, l'accès au pouvoir, mais dire c'est là au niveau international, mais elle se ridiculise d'une part au Canada, ensuite aux États-Unis et aussi on a beau dire oui Marine Le Pen a dédiabolisé le front, mais son père était reçu bien plus souvent et par des personnalités importantes plus souvent que pendant les années 80, les années 90 que elle est rejetée de partout, d'une part parce que à mon avis, c'est très mal préparé ces voyages, ces rencontres, et d'autre part parce qu'elle est incapable d'avoir une véritable stature internationale et de paraître comme un interlocuteur valable. Donc voilà, c'est affligeant. Et là, en plus, le pire, c'est qu'elle est en train de se griller pour des années. Quand tu te grilles au niveau international, c'est pas oublié au bout de 6 mois. C'est-à-dire que là, par exemple, en Israël, alors qu'elle fait tout pour y aller, là, l'attitude de ce crétin de Nicolas B, d'en avoir fait des tonnes, et que du coup, bah, les contacts peut-être qu'il a pu avoir sur place, bah, évidemment, ils vont être complètement refroidis du fait que cet imbécile a été en parlé partout. Mais c'est pitoyable, quoi. Elle est ridicule. Et je pense que sa campagne présidentielle va être du même tonneau. Et je pense qu'elle va peut-être même se planter dès le premier tour de l'élection présidentielle. C'est quand même incroyable que dans une situation mondiale, européenne et nationale comme elle l'est actuellement, elle ne parvienne pas à ébranler le pouvoir, puisque là actuellement personne n'imagine une seule seconde, quelqu'un de lucide n'imagine une seule seconde que Marine Le Pen soit présidente de la République, et c'est bien pour ça que il y a aucun dirigeant étranger qui veut rencontrer cet imbécile. Alors bon, d'accord, au moins tu dis ce que tu penses, c'est bien. Mais tu pars du principe que, en fait, elle aurait, que Nicolas Bay aurait fait un peu le coup de la Trump Tower, c'est-à-dire, je sors les photos d'une rencontre qui n'a pas vraiment lieu, j'en fais des tonnes sur Twitter, un petit peu comme quelqu'un, enfin ouais, comme une, comme un adolescent qui est à côté d'une star du rock, et puis voilà. Mais rien n'est organisé, c'est plus ou moins chaotique. C'est une interprétation. Ah, si, je pense qu'il avait des contacts. Je pense que Nicolas Bay devait avoir des contacts, mais plutôt que de se la faire discrète, d'essayer de négocier un prêt ou de rencontrer les gens, mais voilà, des gens veulent te rencontrer discrètement, tu les rencontres discrètement, même si tu ne mets pas, tu voilà, tu vas en Israël et tu fais un reportage photo à Yad Vashem avec, ben voilà, tu en fais des tonnes, c'est, à un moment, c'est sûr que la presse locale, au niveau local, ça va savoir qu'il a rencontré ou un tel qu'il ne voulait pas forcément. Je parle pas de l'opportunité de rencontrer ces gens, mais je te parle de la forme, la façon dont il a fait les choses. Oui, je crois qu'il a dû y aller parce qu'il avait quelques contacts, sauf que maintenant, ces contacts, c'est terminé. Alors, s'ils ont fait ça en Russie, de la même façon en Russie ou aux États-Unis, c'est certain que ça ne se passe pas bien, parce que des gens ne veulent pas forcément que ça se sache. On a appris avec la campagne de Trump, enfin bon, ça... commencé à s'en douter depuis un petit moment, mais la campagne de Trump l'a démontré, ça n'est pas en rampant devant des ennemis politiques ou d'éventuels alliés, qui sont quand même des ennemis la plupart du temps, qu'on se fait respecter. Et le Front National ne passe son temps qu'à ramper, quoi. Et forcément, on leur renvoie ce qu'ils devaient prendre dans la gueule, c'est-à-dire du mépris, de la distance, etc. Donc encore une fois, les fines stratégies du Front National, enfin du Front National en tout cas, version Marine Philippot. Non, mais c'est à foutre à la poubelle. Ouais, c'est-à-dire que dès qu'ils font une percée dans ce qu'ils estiment être la bonne marche à suivre, genre Marine Le Pen à Trump Tower, voilà, je suis là, coucou. L'autre en Israël qui prend des photos de mecs qui n'est pas envie de se faire prendre en photo. Donc il faut qu'ils voilà, il faut qu'ils le disent à tout le monde. Voilà, il faut qu'ils fassent les fiers, qu'ils fassent les beaux. Et au final, ça retombe sur la tête, quoi. Bah, le truc, là, c'est que, bon, effectivement, on peut discuter de l'opportunité ou pas, en tout cas, eux peuvent le discuter, de se rendre en Israël. Moi, je pense que c'est pas évident, honnêtement. Je ne vois pas l'intérêt de rencontrer... Enfin, je vois pas l'intérêt d'aller en Israël pour ne pas rencontrer des gens. Je vois pas pourquoi envoyer un numéro 3. Ça, c'est un peu les secrets des stratégies Philippot, tu vois. Oui, mais c'est ça. Non, Philippot n'est pas responsable de ça, j'en suis à peu près convaincu. Je pense que Philippot n'a pas la main là-dessus. Bon, c'est un avis, mais bon. Grosse fiotte. Oui, non, mais c'est un avis, mais... C'est Louis Alliot qui avait des contacts en Israël, puisque lui-même y était allé, il s'était fait prendre en photo devant le mur des Lamentations. Oui, non, elle est fausse, cette photo, mais il est allé dans les colonies. Mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà... l'évidence de ce voyage n'est pas avérée en termes politiques. Deuxièmement, elle envoie un numéro 3. Donc, pourquoi les Israéliens mettraient... d'un certain point de vue, que le numéro 3 puisse rencontrer un ministre... Bon, visiblement, les Israéliens avaient peut-être l'air d'être de bonne composition, je ne sais pas. Mais l'évidence n'est pas avérée. Peut-être qu'il y avait de la bonne volonté, puisque le Front National avait décidé d'entamer une discussion... et ces gens-là ont décidé de faire une opération photo. Mais moi, ce que je veux dire au-delà de ça, c'est qu'on discute de quelqu'un qui veut être, et d'un parti qui veut être à la tête d'une puissance nucléaire de 65 millions d'habitants, qui dispose d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, et qui est la deuxième puissance économique de l'Union européenne. Donc, c'est quand même un pays qui a un petit peu d'influence. C'est pas non plus une superpuissance, enfin, ça compte. D'envoyer en loose day un numéro 3 pour faire en solo une opération photo à Yad Vashem pour dire, vous avez vu, on a dédiabolisé, c'est pitoyable, honnêtement. Et en plus, ça n'est même pas digne de quelqu'un qui respecte son pays. Je reviens à ma marotte. C'est-à-dire que Marine Le Pen brigue la présidence d'un pays qui pèse 65 millions d'habitants, dont une partie sont des halogènes, mais dont 50 ou 55 millions sont encore quand même des Français, qui est une puissance nucléaire, ce n'est pas à elle ou à son parti de solliciter une rencontre en rampant à l'égard d'un État de 8 millions d'habitants. Ça ne correspond pas du tout à l'échelle du pouvoir, ou alors du pouvoir tel qu'il devrait être. Ça voudrait dire qu'elle prête à l'État d'Israël une puissance, qu'à mon avis il n'a pas d'ailleurs, et alors ils sont prêts à tout, et en plus ça ne va même pas mettre les formes. Ce qui est quand même surréaliste, quoi. Et ça, ça s'accumule à toutes les erreurs commises en avant. À imaginer, vous mettez... Alors, maintenant, je mets en perspective. C'est mon point de vue, je peux me tromper, je suis peut-être injuste, je ne sais pas. Mais imaginez maintenant que la même personne dise, comme elle pérore partout sur les plateaux de télévision, même encore en Allemagne, elle est en train de faire des grands discours, machin, on va quitter l'euro, etc. Imaginez qu'elle, si, par rapport à ses promesses de quitter l'euro et d'organiser un référendum. Mais vous savez les pressions qu'elle recevrait ? C'est les pressions de la Chine, les pressions de la Russie, les pressions de tous les pays européens, qui sont les partenaires économiques et politiques de la France, parce qu'ils vont nulle part, ces pays-là. L'Allemagne ne va pas soudainement dériver vers le pôle Nord. Elle va pas bouger, l'Allemagne, qui est un des premiers partenaires commerciaux de la France. Parlons pas des États-Unis. Ouais, le premier. Tous ces pays qui ont des réserves en euros, en cash. Vous croyez qu'ils vont comme ça dire « Ah oui, oui, vous pouvez foutre en l'air l'euro, bien sûr, oui, oui, ouais, faites ce que vous voulez. Hein. Après tout, on va jamais que perdre des dizaines et des centaines de milliards d'euros de valeur. » Mais non, elle recevrait des pressions colossales. Et quand on voit comment elle se comporte devant une poignée de journalistes de gauche, comment elle prête à des acteurs comme l'État d'Israël une puissance qui, à mon avis, n'a pas, et comment elle se vautre devant, imaginez, dans un rapport de force où la France se retrouverait seule, mais seule, ou pratiquement, face à ses partenaires européens et les partenaires mondiaux et des grandes puissances comme celle que je disais, elle capitule dans la seconde. Dans la seconde. C'est un aveu du fait qu'à mon avis, elle n'a pas ce qu'il faut. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si c'est moi qui surinterprète, je ne sais pas. Mais moi, je vois ça comme ça. Bon, on fait une pause musicale et on se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, chers amis. Oy vey, oy vey, oy vey, oy vey, oy vey, oy vey, oy vey, oy vey, oy gewalt. כשהגעתי לתל אביב וראיתי מה מתרחש כאן הרהרתי בליבי אוי גבל, אוי גבל אוי ווי אוי ווי אוי ווי אוי ווי אוי ווי תואי ובחוף פרישמן תואי ובאומן 17 תואי ואסי עזל השם ישמור מכל השיקסס על כן טלפנתי לרמי וזעקתי לו רייבה דימנשן ביזיר משיגן אוי גבל pour cette deuxième partie d'émission de Démocratie Participative, saison numéro 2, épisode numéro 3. Et sans transition, nous allons aborder deux sujets dans cette deuxième partie. Le premier sujet, ça va être Marion Maréchal Le Pen et l'altercation qu'elle a eue avec une représentante du gouvernement français, gouvernement socialiste, autour de l'avortement. Alors, on prête à Marion Maréchal Le Pen des positions conservatrices sur le sujet. On va en discuter. Et je vais, dans un deuxième temps, on va parler du blitzkrieg politico-administratif que mène Donald Trump aux États-Unis. Ça sera un sujet, à mon avis, très intéressant à discuter avec nos participants. Donc, sans transition, Marion Maréchal Le Pen et les droits des femmes et l'avortement. Donc, sur les faits, jeudi 26 janvier, Marion Maréchal Le Pen, députée du Front National, une des deux députées du Front National à l'Assemblée française, a pris la parole lors de la discussion parlementaire sur l'extension du délit d'entrave à l'IVG, qui en soi mériterait probablement une discussion aussi. Voici ce qu'elle a déclaré, hein. Elle prend la parole et elle dit ceci. « La réalité, c'est que vous, donc elle s'adresse au gouvernement socialiste et à la gauche parlementaire en général, êtes des féministes ringardes, les dinosaures politiques d'un temps 68-art révolu. Aujourd'hui, et c'est heureux, il serait temps de vous en rendre compte, les femmes peuvent voter, travailler ou non, se marier, divorcer, prendre des contraceptifs et avorter si elles le souhaitent. Ce qui est moins heureux, en revanche, c'est que beaucoup de femmes avortent pour des raisons économiques, 47% selon un sondage IFOP de 2010, un choix subi auquel vous n'apportez aucune solution. Vous n'en parlez même pas, d'ailleurs. Non, madame le ministre, l'alternative à l'IVG, ce n'est pas uniquement, je vous cite, une grossesse non désirée menée à son terme. Cela peut être aussi une femme qui a le bonheur de pouvoir garder un enfant en évitant un avortement subi parce qu'elle a su trouver l'accompagnement et l'encadrement nécessaires. Je vous le dis, et je le pense sincèrement, vous êtes la honte du combat des femmes. Votre aversion pour le patriarcat incarné par le mâle hétérosexuel blanc a conduit beaucoup d'entre vous à la collusion avec toutes les minorités qui partageaient cette aversion, sacrifiant ainsi toute cohérence sur les idées et les combats féministes, islamistes, LGBT, même combat. » Alors je dois dire que sur cette intervention, personnellement je trouve qu'il y a du très bon, et il y a du un peu moins bon, mais qui est propre à la lâcheté des politiciens français en général. Alors du bon, ben, je pense que le dernier propos de Marion Maréchal Le Pen est excellent, puisque c'est effectivement le sujet central, c'est qu'en fait que tous ces combats féministes, etc., c'est un combat fondamentalement destiné à affaiblir le mâle blanc, hétérosexuel, c'est absolument vrai, c'est aujourd'hui, je crois, la cible universelle de toutes les attaques, quelles qu'elles soient, en tout cas c'est ce qu'on vit. De l'autre côté, même si je comprends la tactique, la volonté de dédiaboliser, je comprends intellectuellement le cheminement qui est fait, ça ne veut pas dire que je suis d'accord, elle dit oui, c'est quand même bien, les femmes peuvent divorcer, etc., avorter. Alors, qu'est-ce que vous pensez, sans même peut-être même faire cas de ce qu'a dit Marion Maréchal Le Pen et du positionnement du Front National sur la question, je comprendrais que certains veuillent en parler, mais qu'est-ce que vous pensez plus fondamentalement de cette question? Voilà, qui veut en parler? Ça alors, revient, c'est un serpent de mer, hein, donc ça revient. Donc, Moi, j'aimerais bien commencer là-dessus. J'ai pris connaissance de la vidéo là, sur le mur de personnes sur Facebook et j'ai eu l'occasion de me prendre le chou un petit peu avec eux parce qu'ils ne comprenaient pas ce que j'avais à reprocher à Marion Maréchal. Comme tu l'as très bien dit, Gandalf, la quasi-totalité de ton intervention est de très bonne qualité. Lorsqu'elle met dos à dos ces féministes avec le fait qu'elles prennent parti, hein, prenant parti pour... pour les minorités, hein. Il y a pas longtemps, là, il y a eu une marche de femmes à travers l'Europe et même en aux États-Unis. Et en Allemagne, les féministes ont carrément chanté Allahu Akbar et compagnie. Bon, c'est vraiment, c'est pas surréel en fait, c'est vraiment l'aboutissement, c'est l'apothéose quoi. C'est ces femmes blanches, bon ben voilà, et elles sont contre la patriarchie des méchants mâles blancs dominateurs. En revanche, la domination des mâles non blancs, ça, elles sont pas trop contre quoi. Bref, tout ça pour dire que. Moi, ce qui m'a choqué, comme tu l'as dit, c'est ces paroles-là, c'est le fait que finalement, elle est en train de donner une leçon de féminisme aux féministes. La meuf, elle est là, oui, maintenant, en France, les femmes peuvent divorcer, elles peuvent avorter, elles peuvent travailler, et c'est tant mieux. Ben non, tout le problème vient de là, cocotte, quoi. Parce que si effectivement la société elle a évolué et que maintenant nanani nanana, ouais enfin si tu veux, bon l'avortement, la naissance d'enfant c'est quand même, c'est l'avenir d'une nation quoi, c'est l'avenir d'un peuple. Un peuple qui n'a pas de gosses, il se passe ce qui se passe actuellement quoi. Bah, c'est-à-dire que l'avortement et le travail des femmes c'est la cause de l'effondrement démographique Et c'est la cause de la soupe qu'on nous sert après pour nous dire oui, il va falloir importer des bougnoulés, des nègres et j'en passe pour pallier au manque de natalité. Donc effectivement, c'est une arnaque totale. Qui nous le dit ça, que c'est très important parce que quand même les retraites de certains... Ah, c'est les vieux. Détail un peu ouais. Ça. Ouais, les baby-boomers, quoi, la sale génération de vieux de merde. Fait, oui, c'est-à-dire qu'en fait, les baby-boomers 68-ards qui voulaient baiser dans tous les sens et qui voulaient pouvoir divorcer comme des gros crados et qui finalement, ils sont parvenus en autorisation, une libéralisation complète. Baiser sans responsabilité, sans faire d'enfant, voilà, effectivement. Voilà, exactement. C'est-à-dire que responsabilité, on oublie complètement. Pour après les faire importer... Pardon, donc c'est vraiment de l'enfumage total, c'est-à-dire ce sont des gens, en fait, qui veulent s'exonérer toute leur... C'est une génération de sales merdes qui veulent s'exonérer toutes leurs responsabilités, qui ont à peu près réussi d'ailleurs, faut espérer qu'il leur arrivera des crasses dans la fin de leur vie, et qui ont réussi non seulement à éviter de faire trop d'enfants, parce que ça les arrange pas, quoi, ils peuvent pas faire de voyage, ils peuvent pas profiter de leur grand âge pour faire ce qu'ils veulent, gna gna gna. Et qui ont fait, donc pour continuer à payer leur retraite quand même, parce qu'ils n'ont pas d'enfants et que voilà, ils prétendent qu'on va le faire en important des nègres et des bougnoules. C'est vraiment... Sans avoir à les subir. Exactement, et c'est vraiment une génération qui mérite de subir le pire destin dans leur grand âge. Ouais, c'est vraiment, moi je ne suis pas sadique, mais alors vraiment, s'il y a des gens qui méritent qu'il leur arrive des crasses au moment où ils seront le plus faibles et le plus, comment dire, voilà, les plus sans défense, c'est bien eux. J'entends bien qu'ils s'en mangent plein la gueule avant d'aller au cimetière. Ouais, c'est parfaitement incarné par le visage éthéré dans les cieux de Daniel Cohn-Bendit. Hein. C'est clairement ça. C'est la... Et puis, à 70 ans, il est sur Europe 1, je crois. Il vitupère, c'est-à-dire ça n'arrête pas. C'est... Et je présume que ça devrait durer jusqu'à 80, 85 ans. Et le type va t'expliquer. Alors imagine, pour ceux qui nous écoutent, il y en a beaucoup. Ils ont 20 ans, 25 ans, ils triment. Alors, ils vont aux études, ils essaient de sortir. Ils sont dans les transports en commun avec des nègres, des bougnoules, café, venir toute la clique à Cohn-Bendit et ceux qui s'en sont revendiqués, pour les raisons qu'on a expliquées. Eux, ils triment. Et puis, t'as encore. Il est septuagénaire, dans 10 ans il sera octogénaire, et les mecs seront encore en train de vituperer, tu sais, avec sa voix horrible, de dire « mais comment vous osez protester, etc. » Parce que c'est incroyable, ces gens sont d'un sadisme, d'un cynisme, d'un vice qui n'a jamais été atteint par aucune génération dans le monde occidental. Oui, et je voudrais, c'est clair. Je voudrais rebondir là-dessus, parce qu'on, bon, hein, en écoutant l'émission... On peut facilement nous reprocher d'être un petit peu trop méchants à l'égard de certaines populations colorées venues de je ne sais où. Bon, mais il y a quand même un... Alors, je ne sais pas si c'est un proverbe ou quoi. C'est que, en cas de... En cas de guerre, en cas de conflit, si tu as en face de toi un ennemi et un traître, et qu'il te reste qu'une balle, tu la gardes pour le traître. Et cette génération de vieux enculés... Hein, si vous avez moyen, moi je parle à nos auditeurs, si vous avez moyen de leur pourrir l'existence à ces vieux 68-ards gauchistes de merde, mais allez-y, faites-vous plaisir, mettez-leur des bâtons dans les roues, pourrissez-leur la vie, faites tout ce que vous voulez, parce qu'ils ne l'ont vraiment pas volé, il y aura rien de ce qu'ils ne pourront subir... ne sera à la hauteur du sabotage qu'ils ont opéré en Occident. Ouais. C'est juste ils ont carrément, au stade où on parle, ils mettent en danger l'existence même de l'Europe comme civilisation. Il faut bien comprendre. En tout cas, l'Europe de l'Ouest. En tout cas, bien comprendre. Il y a une conséquence qui me semble, moi, assez terrible. C'est qu'un petit peu partout dans les pays occidentaux, on repousse l'âge de la retraite ou on l'envisage. Ce qui démontre que les jeunes colorés de tous les horizons qui devaient venir pour travailler et payer la retraite des vieux, eh bien, ce sont les vieux qui vont travailler, les vieux blancs, les vieux actifs qui vont devoir travailler pour nourrir tous ces parasites. C'est même pas juste. C'est-à-dire que égoïste jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on devait faire venir des gens pour travailler, mais en fait non, les vieux, faut qu'ils continuent à avoir les places, qu'on puisse pas les licencier, qu'il y ait pas de renouvellement, que les jeunes n'aient pas accès au travail. C'est-à-dire même si on partait du principe gauchiste, c'est-à-dire qu'on fait venir des jeunes étrangers, gna gna gna, pour les faire travailler, etc. Mais non, on les laisse même pas travailler, puisqu'on s'assure que les vieux fonctionnaires particulièrement, mais c'est vrai à peu près dans toutes les professions, qu'on les laisse installer le plus longtemps possible pour que le renouvellement soit le plus impossible et le plus lent possible. Enfin, c'est juste, c'est hallucinant, quoi. Ouais, c'est, ouais, mais c'est là, t'es parti sur les vieux et t'es pas parti sur les bonnes femmes, quoi. Non, mais c'est... Oui, attention, oui, non, mais parce qu'il y a... Non, il y a un problème générationnel, hein. C'est un problème générationnel, et c'est cette génération qui a lancé cette histoire de le front de libération de la femme dans les années 60, toutes ces conneries-là, la libération sexuelle, c'est cette génération-là qui voulait baiser n'importe comment sans porter la responsabilité. Et c'est pour ça qu'ils sont venus avec leurs conneries. Oui, moi je veux le contraceptif, hein, systématiquement, puis l'avortement, parce que quand ça suffit pas, l'avortement, et le divorce, parce qu'en plus c'est un connard, ou c'est une connasse, je veux pas rester avec. Enfin, c'est vraiment des gens qui ne veulent jamais porter, assumer la responsabilité, quoi. Le principe de responsabilité les fait fuir. C'est hallucinant, quand même. Et le divorce, c'est plus vieux, hein. Ça date de 1792. Ouais, non, mais attends, le truc de masse, c'est, ouais, non, c'est un truc de bourgeois, de toute façon, dès l'origine, et parce qu'il y avait un tel poids de l'Église catholique, il y avait un tel poids du camp, dira-t-on, que... et en plus, ça a été repoussé après, plus tard, par Napoléon, me semble-t-il, ou... Non, c'est 1816, la Restauration. Oui, c'est la Restauration. Mais de toute façon, je veux dire, c'était un truc de bourgeois. Pourquoi? Parce que pour divorcer, il fallait quitter le domicile de sa femme. Et donc, il faut pouvoir se payer une deuxième maison. Ce qui est en fait, et ce qui explique aussi pourquoi il y a autant de divorces aujourd'hui, pourquoi c'est tellement possible, c'est parce que d'abord, on a les moyens matériels de le faire. Et croyez-moi bien que si on ne pouvait pas avoir un deuxième logement, si on ne pouvait pas payer une pension pour les enfants, le nombre de divorces serait anecdotique, même encore aujourd'hui. C'est, l'aisance matérielle le permet aussi. Donc, il y a des conditions objectives. Mais on est vraiment dans une situation où ces gens-là, ils ont fait fi de l'héritage, de la transmission, de leur responsabilité, ils ont bousillé une civilision entière en 30 ans. Pour leur bon plaisir. C'est le produit d'une idéologie. Hein. Ces gens-là, c'est les droits de l'homme jusqu'au bout. Parce que les droits de l'homme, c'est quoi? C'est les droits de l'individu, c'est les libertés de l'individu. Et ils ont sacrifié tous les devoirs collectifs, j'ai envie de dire les droits du peuple, de la race, au nom de leur individualité. Et c'est vrai qu'on a commencé sur l'avortement et le féminisme. Mais c'est vrai que qu'est-ce qu'il y a de plus symbolique et de plus lourd et de plus grave que de tuer un enfant pour sa convenance personnelle? On est vraiment allé au bout du bout. Hein. Alors moi, je voudrais revenir sur le sujet, même si j'apprécie beaucoup ce message d'amour intergénérationnel tenu par le camarade dans l'évier et le camarade Gandalf. D'une part, c'est vrai qu'on peut être agréablement surpris par l'intervention de Marion Maréchal Le Pen, puisqu'elle dénote beaucoup avec le jusqu'au boutisme pro-IVG, pro-contraception, pro-féministe qu'on a pu voir ces derniers temps au sein du Front National, puisque l'ignoble truie Sophie Montel avait le 1er mai dernier, lors d'une convention, avait dit qu'il fallait sacraliser le droit à l'avortement sous les applaudissements de Marine Le Pen, qui avait dit c'est bien ignoble. Sophie, je suis avec toi. Enfin, voilà, donc déjà, Marion Maréchal Le Pen se pose quand même carrément d'un point de vue du droit à la vie, tout de même si tout n'est pas parfait, puisqu'elle a l'air de se satisfaire de la situation actuelle, et que tout de même elle n'est pas dans la sacralisation de l'avortement, et ça on peut au moins lui en savoir gré. Mais je pense que la question de l'avortement, en fait, c'est une question d'information. Pourquoi le gouvernement, c'est cette dernière petite saloperie avant de se barrer, les socialos veulent faire un délit d'entrave à l'IVG? Parce qu'en fait, la simple information des femmes qui veulent avorter suffirait pour qu'elles n'avortent pas. C'est quand je pense que la réinformation des Français quant à l'avortement sera pas très compliquée, comme sur beaucoup de domaines tabous, comme sur beaucoup d'autres sujets. Il suffit de réinformer les Français, en particulier là sur l'avortement, sur l'IVG, qui est un véritable meurtre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas de plus antinaturel que de tuer un enfant dans le ventre de sa mère. Et quand on voit le nombre actuel qui est entre 220 et 230 000 par an, et après, quand on a un recul politique sur ce génocide d'enfants à naître et l'invasion migratoire qui en découle, croire que c'est une coïncidence, que ça n'a rien à voir, c'est complètement naïf. Donc c'est un point, comme d'autres l'ont dit avant moi, qui est absolument essentiel et qui est essentiel pour notre survie, tout simplement. Le but, c'est pas d'être de plus en plus nombreux, mais c'est de au moins renouveler les générations, au moins être capable de tenir un territoire avec une population et aussi d'avoir une autonomie, qu'on ne soit plus, qu'on ne soit pas obligé, voilà, d'accepter d'un point de vue humain, logistique ou social, le fait qu'on a absolument besoin de l'immigration. Relancer la politique, une politique nataliste, relancer la natalité en France, c'est pas quelque chose qui devrait être très compliqué, mais je pense que c'est de l'information. Mais lâcher sur ce sujet, comme l'a fait le FN, il lâche sur tous les sujets, il renie tout, c'est, je pense, quelque chose de criminel, de lâcher sur l'IVG, de lâcher sur l'avortement, c'est quelque chose de totalement irresponsable politiquement quand on se prétend de droite nationale. Alors moi je veux venir sur le sujet en lui-même, qui est un sujet crucial à mon avis, parce qu'on touche au cœur du problème de notre civilisation, de notre culture. Ça fait le lien avec ce qu'on disait en début d'émission là, sur justement l'antagonisme alimenté par les marges, obsédé par la rébellion, donc en fait par les franges anarcho-nihilistes et révolutionnaires, de tout ordre, hein, parce qu'il y a les halogènes, bon, on pourrait continuer comme ça longtemps, toutes les minorités, quoi. Et celui qui est le bâtisseur, le pilier de l'ordre social, qui est effectivement l'homme blanc. L'homme blanc. Et l'homme blanc, évidemment, place la postérité, place l'histoire, place l'intérêt, ou plus ou moins le bien commun, avant l'intérêt particulier, c'est évident. C'est-à-dire qu'on a une vision large, historique. Et c'est pour ça que, sans même rentrer dans des questions religieuses ou autres, de toute façon, qui ne sont pas de nature, compte tenu des masses dont on parle, qui ne sont pas de nature à mobiliser, en revanche, en termes de bien commun et de la postérité de notre culture et de notre civilisation, de toute façon, c'est un impératif d'interdire la destruction d'enfants blancs. C'est un impératif, c'est une question politique, stratégique, qui ne peut même pas souffrir la moindre contestation. Premier point. Deuxième point, c'est la façon dont c'est traité par les marges en question, qui refusent, parce qu'on est au cœur de ça, c'est l'histoire de la responsabilité, ces gens... Les minorités agissantes en question sont des gens qui refusent l'autorité du mâle blanc. Ce sont des gens qui ne veulent pas être mis en face de la responsabilité et qui voient dans le mâle blanc celui qui rappelle l'autorité et qui impose l'autorité. Et ça, ils le refusent catégoriquement. Et c'est toujours une question d'absence de volonté ou de faiblesse de volonté. Quand vous posez une question à n'importe qui, pourquoi vous avortez, etc. Quand vous poussez le bout, vous vous rendez compte de quoi ? C'est qu'en fait, vous avez affaire à des gens qui n'ont pas la force de volonté. Ils ne veulent pas. Et il n'y a que l'homme blanc qui a cette capacité d'avoir une volonté collective qui le dépasse à titre individuel et qui, justement, qui est la base du politique. Et on a affaire à des gens qui arrivent avec des revendications individuelles, sectorielles. Et on arrive avec les droits des femmes, les droits de ceci, les droits de cela. Et plus ça va, plus ça se spécialise, évidemment. Alors que personne ne parle des droits de la personne, parce que si on parlait des droits de la personne, on parlerait des droits d'enfant à naître, évidemment, qui est un enfant. Discuter avec n'importe quelle personne qui veut avorter, une femme qui veut avorter, et qui est militante de l'avortement ou qui adhère à l'idée de l'avortement. Vous lui dites, mais tu vas pas tuer un enfant. Elle va dire, je tue pas un enfant. Elle va dire, c'est pas un enfant. À 3 semaines, c'est pas un enfant. Pousser la réflexion, 3 semaines, 4 semaines, je sais plus quelle est la date légale, je crois que c'est 3 mois en France, c'est 4 mois. Pousser la discussion, vous allez demander, bon d'accord, alors à 4 mois et 1 jour, c'est quoi ? C'est un enfant alors légalement ? Ah oui, mais alors à quelle heure ? Elle ne peut pas vous répondre, parce qu'elle n'a aucune idée. Ah mais je crois que d'ailleurs c'est... en Chine, c'est jusqu'à terme, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas né, en gros, tu... Ouais, c'est... Ouais, ce sont des barbares. Enfin bon, la conception chinoise, la valeur de l'humain en Chine, voilà quoi. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand vous poussez la réflexion, ces gens-là n'ont pas le moindre début d'idée. Et maintenant, on en arrive à la question de ce fameux féminisme, qui est en fait la lutte des classes bolcheviques transposée au sexe. Sexe qui sont eux-mêmes maintenant niés, puisque maintenant, maintenant on choisit son sexe, on en crée de nouveaux, etc. Et là, on est au cœur du truc, parce que dans la civilisation humaine, et surtout dans la culture européenne, la base de l'ordre social, c'est la famille. Si vous commencez à instiller un soupçon de sentiment révolutionnaire dans cette base, vous détruisez tout l'ordre social, dont la base est la famille. Nucléaire, j'entends. Et c'est ce qu'ont fait les théoriciens de la Révolution. Au final, enfin, dans les années 60, ils y sont arrivés jusque-là. Avant, ils sont passés par l'ordre social, la lutte des classes, etc. Maintenant, on arrive jusque-là. Et ensuite, effectivement, il y a le phénomène de remplacement de population. Donc, le mariage, et notamment de par sa sacralité, notamment religieuse, donnait cette dimension de verticalité qui est le propre de l'homme blanc. La notion d'ordre, la notion de verticalité, de hiérarchie, de sacralité, de quelque chose qui ne peut pas être contesté. Et on a affaire à des gens qui aujourd'hui contestent absolument tout parce qu'ils sont dans une logique de verticalité, de sectionnalité, etc. Et si on transige là-dessus, si on laisse la base de l'ordre social être anéantie, si on laisse la femme devenir une supplétive de toute la racaille anarcho-néliste révolutionnaire, nous sommes finis. Et c'est ce à quoi on assiste. C'est-à-dire que la matrice de la race blanche disparaît parce qu'elle ne procrée plus. La femme blanche se retourne contre l'homme blanc, lui-même retourné contre toute notion d'ordre, et on s'effondre. Et sur ces entrefaites, on nous propose une solution de recours à l'emporte-pièce qui est le remplacement biologique sur nos terres par des halogènes, par ailleurs complètement incompétents à tous les niveaux, et qui ne nous apporteront jamais rien, surtout au plan culturel. Donc cette histoire, cette façon de faire fissionner l'ordre social par ce soupçon révolutionnaire est vraiment intolérable. Et la femme doit accepter, par la force y compris, la domination de l'homme blanc. Et le patriarcat doit être rétabli si nous voulons sauver nos cultures, nos pays, nos peuples. C'est une condition sine qua non. Et si vous intéressez par ailleurs à la façon dont fonctionne la sexualité des êtres humains, que ce soit chez les hommes, qui veulent multiplier les conquêtes, ou chez les femmes, qui veulent des conquêtes inaccessibles, vous vous retrouvez avec ce qu'on a en France, c'est-à-dire des femmes irascibles, qu'on ne peut pas pratiquement aborder de nos jours, et de l'autre côté, des hommes qui sont malheureux sexuellement parce qu'ils ne trouvent pas de compagne. Et ça n'est pas acceptable. Et c'est directement le fruit de ça, parce que maintenant, le marché du sexe est ouvert, n'est-ce pas ? Cette institution du mariage qu'on retrouve dans toutes les cultures, qui n'a jamais souffert la moindre contestation pour ainsi dire, et en tout cas pas dans la culture européenne, aujourd'hui est considérée comme quelque chose de barbare, une relique barbare qu'il faudrait jeter aux orties. Comment s'étonner que notre civilisation s'effondre dans ces conditions ? Le mariage, moi je suis, et j'arrive aux conclusions de ce que je veux dire, le mariage doit être unique et pour la vie, sauf exception rare de violence extrême sur un conjoint, etc. Le divorce ne doit pas être légalisé sous aucun prétexte. Ça, c'est la première règle. On ne sauvera pas nos civilisations sans ça. Et deuxièmement, l'avortement, qui est un meurtre de la génération future, par procuration, doit être également interdit. Si on change ces deux facteurs, déjà, notre culture s'emportera infiniment mieux. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet, j'étais un peu long, mais vraiment ça me paraissait nécessaire de le dire. Je veux rajouter une petite note sur le communisme, en fait, parce qu'au fond, quand on s'intéresse au problème de cette génération, des baby-boomers, etc., on comprend vite que le communisme mental, qui est censé aboutir à, en fait, au bien de tous, enfin, au bien commun, quoi qu'on puisse penser du résultat, enfin on a les résultats sous les yeux, au fond ce pseudo-communisme gentil est drivé par de l'égoïsme pur et de l'égoïsme individuel. Donc c'est vraiment du foutage de gueule intégral. Ouais, moi juste pour terminer un petit peu, on a sur Marion, hein, Maréchal Le Pen, je pense que ce sujet lui tient réellement à cœur, hein. Puisque c'est elle-même, comment dire, c'est elle-même un accident, hein, elle est arrivée par là, par surprise, hein, je crois qu'elle a déclaré qu'elle était un accident qui se vit bien, donc voilà. Oui, en effet, Alors, j'avais un truc à dire. C'est pas sur Marion Maréchal Le Pen, mais c'est sur Christine Tazin. Pourquoi ? Parce que Marion Maréchal, bien qu'elle soit de notre bord, les propos qu'elle a tenus bon, nous prouvent que même au sein de, nos mouvances, il y a vraiment un problème de, consensus et de savoir pourquoi on se bat. Et c'est quelque chose moi, qui m'avait choqué, c'est en lisant les commentaires de Christine Tazin donc sur son site Riposte laïque ou républicaine ou je sais plus quoi, qui eux ne se contentent que de lutter contre l'islam. Je vous lis pas tout. Je vous dis juste une partie. Alors, je peux parfaitement comprendre qu'une femme française d'origine puisse tomber amoureuse d'un Léopold Senghor, entre parenthèses un nègre, ou d'un Pascal Illoute, entre parenthèses un arabe avec des guillemets, en les comparant au hideux Plénel, au sinistre Hollande ou à Cazeneuve le crétin. Bref, nous ne serons jamais d'accord sur un projet de société, et ça tombe bien, nous n'avons pas l'intention, quant à nous, de prendre le pouvoir, et encore moins de gouverner avec vous. Nous voulons juste lutter contre l'islam, pour tous les patriotes de, notre pays, pour tous ceux qui aiment la France et son héritage, qu'ils soient blancs, noirs ou beurre. Moi, quand j'ai lu ça, en fait, c'est très vieux, hein, ça date de... Enfin, très vieux, ça date de... T'as eu envie de vomir ou pas ? Bah, j'ai failli mettre les deux doigts dans la bouche quand j'ai vu que ça n'arrivait pas. Blague à part, ça, c'est du féminisme, en fait. Bon, il faut savoir que Christine Tazin, c'est une ancienne gauchiste repentie. Dans nos mouvements, ce problème, c'est qu'il y a des gens qui vont être juste contre l'islam. Or, nous, on est pour que la civilisation européenne et que les Blancs survivent, se développe et continue. Un jour, peut-être, les gars, ça sera l'espace, quoi. Ça sera les étoiles. Non, mais ça rejoint l'excellent commentaire que vous avez laissé. C'est les valeurs réactives et les valeurs constructives. Ouais, ouais. Attends, mais laisse-moi finir. Après, je finis. Le truc, c'est que vous allez avoir dans le mouvement des bonnes femmes comme ça, qui, sous couvert de lutte contre l'islam, en fait, ne sont que des sales gauchias. Et là, en fait, ce qu'elle dit, Christine Tazin, c'est les femmes vous emmerdent. On fait ce qu'on veut avec notre chatte. Tant qu'on ne nous impose pas un contrôle autre que celui qu'on ne veut pas, donc le patriarcat blanc. Et ça, dans nos mouvances, ce n'est pas acceptable. C'est pour ça que d'ailleurs, je vous invite, si vous êtes intéressé par le sujet, à lire l'excellent livre Dans l'évier, c'est quoi le nom là, du mec là, qui avait fait le bouquin en anglais sur l'hypergamie féminine ? Ah, F. Roger Devlin, oui, c'est lui. J'ai oublié le titre, mais je peux te le retrouver. C'est Sexual Utopia in Power, je crois. Alors, l'utopie sexuelle au pouvoir, ouais. Oui, c'est ça, c'est Sexual Utopia in Power. Oui. Il est vraiment très bon, d'ailleurs, ce bouquin. Alors, voilà, parlez-nous-en un petit peu brièvement, mais vas-y, ouais. Ok, bah en fait, dans ce court ouvrage, en fait, Roger Devlin, en fait, analyse les impératifs biologiques et la mainmise, en fait, de la société sur la biologie. Parce qu'en fait, ce dont a parlé Gandalf et les autres intervenants auparavant, les institutions religieuses du mariage à travers les sociétés, ça n'a toujours été que des moyens sociétaux, donc, pour contrôler les dérives biologiques. Parce que ce à quoi nous assistons aujourd'hui dans les pays européens, dans les pays de blancs, c'est justement la déliquescence en fait du contrôle sociétal sur la biologie des êtres qui le composent. Parce qu'il faut bien comprendre que les femmes et les hommes sont très différents les uns des autres. Les hommes sont polygames à la base. Pourquoi ? Parce que le meilleur moyen pour qu'un homme puisse transmettre ses gènes, c'est d'inséminer un maximum de femmes. La femme, au contraire, elle, biologiquement parlant, est programmée pour choisir le meilleur candidat possible pour la féconder. Pourquoi ? Parce que là où nous pouvons éjaculer un nombre de spermatozoïdes très élevé plusieurs fois par jour, les femmes, elles, ne possèdent qu'un ovule fécondable qu'elle doit garder en elle pendant 9 mois. Donc, de ça découle beaucoup de choses. D'ailleurs, les féministes n'ont jamais compris quelque chose, c'est que de façon intrinsèque, la valeur d'une femme pour une société est bien plus importante que la valeur d'un homme. Par exemple, cas extrême, catastrophe, hein, cataclysme sur la planète Terre. Okay, il reste 10 000 hommes et une femme. Est-ce que vous pensez véritablement que l'humanité peut repartir de là ? 10 000 hommes, une femme. Je vous laisse compter le nombre d'ovules, le nombre d'enfants qui vont pouvoir sortir à la chaîne. Hein. Ça ne va pas être terrible. Maintenant, on fait l'inverse. Vous prenez 10 000 femmes et vous avez un homme. Alors oui, certes, diversité génétique, blablabla, ok, d'accord. N'empêche que 10 000 bonnes femmes et un homme, c'est pas un délire de mec qui a envie de se taper des tonnes de gonzesses, c'est juste que là, vous pouvez rebâtir une population. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue biologique, nous ne sommes pas faits pour la même chose, et les femmes ont une valeur qui est intrinsèquement supérieure. Et c'est ça que les féministes ne comprennent pas. Et c'est pour ça que les femmes aussi doivent être rééduquées. C'est-à-dire que les femmes, au contraire, ne doivent pas se considérer libérées quand elles se font péter la chatte tous les soirs par un mec différent. Non, ça c'est pas la libération, au contraire, c'est l'esclavage. C'est l'esclavage notamment des désirs, hein, et puis d'une société qui ne veut pas notre bien. Au contraire, quand on lit par exemple la prose du 19e ou du 20e, on voit très bien que les hommes comme les femmes, mais surtout les hommes, aimaient les femmes qui justement étaient gardiennes de leur chasteté, pas de leur chasteté, mais si, quelque part, gardiennes de la chasteté, mais aussi gardiennes du devenir sociétal. Parce que si vous avez une société qui est remplie de putes, qui écartent les jambes, hein, attirent l'arigot et qui sont engrossées par le premier connard venu, bon, au niveau de génétique, généralement, ça donne pas des trucs terribles, parce que les mâles alpha, par exemple, qui vont pouvoir se taper la majorité des gonzesses, sont pas forcément des gens qui portent en eux ce qui permet aux sociétés de créer des conditions de vie stables. Pour des raisons, parce que bah, en général, les mâles alpha sont des grandes gueules, sont agressifs, certes ils ont des qualités. Mais il y a mâle alpha et mâle alpha, c'est-à-dire quel est le critère du mâle alpha ? Ça aussi. Mais de nos jours, oui, mais de nos jours, parce que, alpha, c'est tu peux être un mâle alpha physique, c'est-à-dire tu peux être un mâle alpha, tu peux être une masse musculaire extrêmement forte, mais tu peux être un tocard social. Ou à contrario, tu peux être un mec à très haut cul, etc., physiquement pas forcément très imposant, mais qui, dans l'échelle sociale, s'en sort beaucoup. Alors quel est le critère du mâle alpha ? La question se posait, tu vois, je veux dire. Mais de nos jours, justement, le critère du mâle alpha par rapport aux femmes, c'est, enfin, moi je le vois par rapport à ce que je vois, hein, c'est pas forcément des mecs qui ont des quotients intellectuels très élevés ou qui apportent des choses véritablement importantes à la société, mais ça va être juste des mecs qui sont beaux, des mecs qui sont mannequins ou des mecs qui sont populaires pour des raisons à la con, tu vois. Et ça, c'est pas forcément quelque chose. Moi, je préférerais honnêtement, hein, voir des scientifiques à 180 QI, des mecs qui sont capables de bosser sur la mécanique quantique, sur la théorie des cordes. Je préférerais que ces mecs-là aient des tonnes de gosses, quoi. Parce que là, tu sais que le pool génétique des Européens va monter en flèche. Et ça va nous propulser vers les étoiles. Quand t'as juste des mecs qui vont choper parce qu'ils ont une belle gueule et qui savent articuler 2-3 mots, et que derrière, les mecs, c'est des branleurs au RSA, bon, excuse-moi. c'est probablement des choses qui sont héritées d'un temps très ancien. Qu'est-ce que tu as contre Alain Soral ? Bonjour. mais qui sont ancrés dans le cerveau archaïque, et qui fait que voilà, on regarde un visage qui est bien équilibré, harmonieux, etc. Ce qui est pas forcément faux, évidemment. C'était un visage difforme et tout. Tu dis le problème, l'individu a des problèmes de santé, etc. Mais effectivement, comme tu l'as bien dit, le QI aujourd'hui est un vrai critère. Bon, enfin, un critère parmi d'autres, hein, de réussite sociale, parce qu'il n'y a pas que le QI. Hein. Il y a aussi la capacité à exister en société, d'être dominant en société aussi. Enfin, il y a plein d'autres choses. Enfin, c'est un débat qui est ouvert, on ne peut pas non plus rester là-dessus, mais... Juste pour finir, justement, l'avantage du mariage, c'est qu'à un homme, une femme, à une femme, un homme, pas plus, pas moins. Ce qui fait que, pour une société, ça crée des conditions stables pour les sociétés, c'est-à-dire que les mecs les plus beaux, les nanas les plus belles étaient ensemble ou pas d'ailleurs, mais ils n'avaient qu'une seule personne officiellement, parce que bon, on va pas se leurrer, il y a des choses qui ont toujours existé à côté. Mais au moins, il n'y avait plus cette compétition, il n'y avait plus ce libéralisme sexuel dont parle Houellebecq, par exemple. Et ce qui fait que même des gens qui n'étaient pas forcément au top pouvaient avoir une descendance. Et que la société était plus stable par elle-même. Oui, mais c'est ça, voilà. mais c'est tout simple. C'est-à-dire que ça crée une volatilité qu'une société ne peut pas encaisser, c'est tout. Je veux dire, mais il n'y a aucune société qui autorise. Enfin, je veux dire, c'est complètement dingue. Aucune société développée. Qui a atteint un niveau de culture suffisant, qui autorise l'anarchie sexuelle avec les désastres. Je fais juste une parenthèse. Dans l'argumentaire des nénettes qui disent « je fais ce que je veux de mon corps », parce que le droit, qui dit droit des femmes dit droit de l'individu, n'est-ce pas, de sexe féminin, « je fais ce que je veux de mon corps, pourquoi les hommes iraient commander, etc. » Bon, d'abord, à ce qui me semble, pour faire un enfant, il faut être un homme et une femme, et justement, il y a l'idée de responsabilité. Donc, le père qui, plus tard, pourrait être sollicité pour une pension, même s'il n'a pas tellement les moyens, il pourrait quand même, par la justice, être rattrapé, si jamais il essaie de fuir sa responsabilité. Et c'est ça le truc. C'est que les nénettes qui te disent « Oui, moi, je fais ce que je veux de mon corps. » Ouais. Si un mec les met enceinte, et qu'il se tire... Elle va pas solliciter la justice pour faire une reconnaissance de paternité, etc. Pourquoi ? Pour avoir des bénéfices sociaux ? De la part de qui ? Des travailleurs ? Desquels ? Des travailleurs blancs. Donc c'est ça l'escroquerie. C'est-à-dire que elles, ces femmes-là, qui sont les partisanes de l'avortement et qui veulent pouvoir tomber enceinte, vont vous dire que la société doit payer le coût de leur irresponsabilité, mais que de l'autre côté, la société n'a rien à leur dire quant à leur choix. C'est pas possible, ça peut pas fonctionner comme ça. Si elles escomptent un soutien de la part de la société peut demander quelque chose des femmes. C'est absolument logique. Et aujourd'hui, on est dans cette dichotomie délirante où une femme peut dire « Je fais ce que je veux de mon corps, j'enfante ou j'enfante pas, c'est moi qui... » Mais si je suis enceinte, je peux demander à la société, je peux demander aux travailleurs, donc aux contribuables in fine, de payer pour mon manque de sens des responsabilités. C'est inacceptable. Il n'y a aucune société qui peut fonctionner comme ça. Et c'est là qu'une nouvelle fois, il faut de l'ordre. Et c'est là qu'on arrive aussi à cette hystérie face aux masses halogènes, aux nègres, aux bougnoules, aux musulmans, aux féministes, etc. Et en apparence, ils n'ont rien en commun. En apparence. Et c'est là que Marion Maréchal, je ne sais pas qui lui a soufflé cette phrase, si elle le pense vraiment ou si quelqu'un qui lui a écrit, mais évidemment que d'instinct, les halogènes, les minorités de toute nature, les dégénérés et autres se passent le mot parce que qu'est-ce qu'ils ont dans le viseur? C'est la force qui détient l'autorité, qui détient la capacité à créer et à produire. C'est l'homme blanc. Et contre nous, ils seront toujours d'accord. Et donc, nous devons assumer le principe d'autorité. On ne peut pas le fuir. On ne peut pas le fuir. Si on le fuit, nous ne sommes pas ce que nous devons être. Donc, on doit l'assumer et on doit rappeler à tout ce beau monde que la seule entité qui détient le pouvoir, c'est nous. Et excusez-moi, c'est pas une émeute de ménagères qui va nous faire trembler, me semble-t-il. Donc, maintenant, je vous invite à passer au sujet suivant. C'est un sujet passionnant, hein, vraiment, il y a tellement de choses à dire, mais c'est un sujet passionnant. Personne n'a rien d'autre à rajouter, je présume. Je pense qu'on a fait le tour, à moins qu'il y ait quelqu'un qui n'ait pas eu la chance de parler. Beaucoup de gens qui vont nous aimer pour ce qu'on vient de dire, hein, je vous présume, je sens bien. Sujet numéro 2. Le public féminin va peut-être être un peu circonspect, mais je pense que c'est une question de pédagogie. Ouais, mais on n'a pas à faire de cadeaux. C'est comme ça. Sujet numéro 2, la blitzkrieg administrative de Donald Trump. Alors, Donald Trump nous a fascinés. Enfin, honnêtement, des gens disent, il fera pas. D'ailleurs, la presse de gauche est convulse parce qu'il tient ses promesses. C'était déjà un enculé au départ. Alors là, c'est doublement un enculé. Il tient ses promesses. Qui l'aurait cru? Alors, je commence simplement avec les mesures économiques, et je vous laisse parler ensuite, naturellement. Trump annonce la suppression de 75% des régulations, alors ça c'est toutes les règlements administratifs et autres, dans le domaine économique. Réduction des taxes massives, dont un passage de 35 à 38%, parce qu'ils ne sont pas trop sûrs, à entre 15 et 20% sur l'impôt sur les sociétés. Donc c'est un boost massif pour les entrepreneurs américains et une simplification drastique de la construction des usines et autres. Et dans le même temps, des taxes aussi à l'entrée des frontières des USA, ça a été précisé vis-à-vis du Mexique, c'est en discussion vis-à-vis de la Chine, je pense qu'ils en sont encore au niveau des discussions, mais très clairement, au niveau économique, Donald Trump, c'est un mélange de protectionnisme, oui, de libéralisme extrêmement agressif à l'intérieur du marché américain, qui est un marché continental, faut pas l'oublier, 330 millions d'habitants et un territoire gigantesque, donc c'est pas juste un État. La France fait la taille du Texas, hein, pour rappeler ça aux gens. Des coupes brutales dans l'interventionnisme de la bureaucratie dans la vie économique américaine. Qui veut partir là-dessus, sur cette... annonce au pas de charge de la part de Donald Trump 48 heures après son intronisation en tant que président des USA. Frédéric Danlévy, j'ai envie de t'écouter. Notamment pour ce qui est des régulations, il a parlé beaucoup des coupes dans les régulations environnementales, c'est-à-dire les régulations qui empêchaient beaucoup de construction d'usines, beaucoup d'accès de développement d'énergie, notamment des centrales, des choses comme ça. Et pour des raisons environnementales, alors on va nous dire, voilà, méchant, à pas protéger l'environnement, etc. Mais il faut savoir que du point de vue des gauchistes et des tiers-mondistes, hein, pour le coup, l'environnement est très souvent utilisé simplement comme une excuse obstructionniste, c'est-à-dire... utilisé juste pour ralentir le développement, pour rajouter des impôts pour financer, pour apporter de l'argent dans les caisses de l'État, qu'on va évidemment redistribuer aux nègres, aux métèques, etc., etc., parce qu'il faut bien les approvisionner d'une façon ou d'une autre. Donc c'est un véritable frein qui est mis sur le développement économique pour subventionner tous les damnés de la Terre. Et on peut se féliciter que Trump tacle cette question. Donc la procédure, ça va être maintenant, pour chaque nouvelle régulation créée, il va falloir en supprimer deux. Ouais. Donc c'est comme ça que ça devrait se passer. On va voir comment ça va se faire. Je sais qu'il a déjà signé, entre autres, bon alors ça c'est un executive order, pour autoriser la construction de deux grosses pipelines qui étaient bloquées pour raisons environnementales, notamment par des réserves d'Indiens d'Amérique qui avaient déjà accepté la construction contre rémunération, mais qui avaient changé d'avis après avec le soutien d'associations gauchistes. Bref, c'est tout un pataquès. Ah non, mais c'est simple, c'est-à-dire que, alors, parce que bon, y a un mythe autour des Indiens d'Amérique et il y a un idéalisme autour des Indiens d'Amérique. Les Indiens d'Amérique, faut pas les prendre pour plus cons qu'ils ont. Les types utilisent. Et ils ont raison, honnêtement, de leur point de vue. Ils utilisent tous les leviers dont ils disposent pour maximaliser les profits. Et ils se disent, vous faites passer un pipeline sur ma ligne, je chiale, nanana, antiracisme, vous m'avez piqué mon pays, bon, ça, vous connaissez la chanson comme moi, nanana, l'environnement, ils font des danses, etc. Les gauchistes, bon, comme des connards, ils tombent là-dedans, mais derrière, c'est une histoire de dollars sonnant et trébuchant. Ils demandent juste au gouvernement fédéral de lâcher plus de thunes. Mais bon, pour s'acheter de l'alcool, bien entendu. Et d'ailleurs, c'est possible. Arrête-moi si je. C'est pas pour construire des tipis, je pense. Ouais. Non, l'alcoolisme des Indiens d'Amérique est assez répandu, c'est connu. Mais dans les vies, arrête-moi si je me trompe, mais je pense qu'en plus, le pipeline qui devait passer chez une des tribus a été finalement basculé sur le territoire d'une autre tribu. Et c'est pour ça que les mecs râlaient, je crois. C'est parce qu'ils ont vu la manne s'envoler. Oui, bah, y a de ça aussi, mais je ne suis pas à fond sur les news environnementalistes, non, mais alors, etc. Ce qu'il faut voir, parce qu'il faut remettre en perspective, c'est que Trump, pourquoi il dit ça? Il dit, ouais, on va créer des emplois. Il a dit, on va créer à peu près aux alentours de 25 000 emplois autour de ces pipelines. Mais au-delà de ça, il y a l'idée de créer pour les États-Unis une base d'autonomie totale au plan énergétique. Parce qu'une autonomie totale veut dire une énergie, enfin, dans la situation actuelle aux États-Unis, une énergie pas chère. Pourquoi avoir une énergie pas chère? Bah, pour pouvoir produire à pas cher. Et ça rentre dans sa logique de pénaliser ceux qui veulent produire à l'extérieur des États-Unis pour vendre ensuite leurs produits aux États-Unis. Et là, c'est encore plus logique, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, je facilite au maximum l'énergie à bas coût aux États-Unis, sur le territoire américain, je pénalise les productions qui sont réalisées à l'extérieur, mais qui viennent se vendre à l'intérieur de mon marché, dans le même temps, je facilite à l'extrême la construction d'usines, etc., au plan de la production, je facilite excessivement, et par-delà ça, je me livre à une baisse drastique aussi de l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire que l'investissement va être extrêmement simple, on va passer, je crois, aux alentours, il a dit entre 15 et 20% l'impôt sur les sociétés, contre 35% aujourd'hui, donc 20% de baisse sur les sociétés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le producteur américain, l'investisseur, l'entrepreneur, énergie pas chère, concurrent bridé à l'entrée du marché, baisse radicale des impôts qui va lui permettre d'embaucher, de produire, c'est un coup de boost phénoménal pour l'économie américaine. Enfin, c'est juste hallucinant. Et en plus, il a ajouté une nouvelle flèche à cette politique qui est l'investissement de masse dans les infrastructures américaines. Sur 4 ans, je crois qu'ils sont en train de considérer l'équivalent de 1000 milliards de dollars dans les infrastructures. Faudra me corriger si je me gourre, mais c'est quelque chose comme ça. Donc refaire les ponts, les routes, etc. C'est vrai qu'ils sont dans un état assez lamentable aux États-Unis. Donc il y aura une demande de l'État. Et je veux dire, c'est juste hallucinant. Mais c'est vraiment un programme très complet. Et je ne sais pas ce qu'en disent aux États-Unis les commentateurs. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il pense de ce programme? Mais qui est un programme socialiste, par l'idée de relance, nationaliste, par l'idée de priorité américaine, et libéral, par le soutien évident à la libre entreprise. et au capitalisme. C'est extrêmement intéressant comme programme, je trouve. Je ne sais pas ce qu'en pensent les commentateurs américains, mais en tant que Français, il s'agit véritablement de l'application du patriotisme économique, c'est-à-dire un programme économique en faveur du peuple américain. Et rien que ça, et un programme de bon sens, qui à mon avis est applicable partout dans le monde. C'est de ça qu'il faut s'inspirer, et il est en train de le prouver immédiatement. Et c'est évident que ça va fonctionner, que ça va réussir pour les Américains. Évidemment, il y a une certaine agressivité vis-à-vis de pays comme le Mexique, où il y avait certaines délocalisations. Lui, il va privilégier la réindustrialisation des États-Unis, la baisse du coût de production. Je pense qu'il va, au niveau économique, il va y avoir un boom au niveau des États-Unis, et également sa défiance vis-à-vis de la Chine. Je crois qu'il a absolument tout compris dans ce domaine, dans l'intérêt des États-Unis. Alors attention, c'est pas, il disait que c'est le système est applicable en Europe, dans les pays européens, mais évidemment le contexte n'est pas le même. Mais dans l'idée de patriotisme économique, de ce que tu viens de dire, une politique de relance tout en étant une politique libérale en interne, et je pense la voie économique la plus évidente pour la prospérité des peuples chez qui elle est appliquée. Je crois qu'il applique véritablement ce que tout parti politique de droite nationale ou tout parti politique nationaliste devrait appliquer dans un pays s'il obtient le pouvoir. D'ailleurs, Marine Le Pen a dit que Trump ne faisait qu'appliquer en fait ce qu'elle proposait depuis longtemps. Donc voilà, bon, désolé de reparler de Marine Le Pen, mais c'est quand même assez amusant de le préciser. Non, je crois que et en plus le fait que Trump applique ça et que ça, à mon avis, ça va marcher. J'espère que ça fera tache d'huile au sein des pays occidentaux. C'est à espérer, mais... Alors, ce programme est... Alors, pour ceux qui nous écoutent, un des grands inspirateurs économiques de Trump, mais qui est quelqu'un qui, de toute façon, depuis les années 80, a le même discours. Il a le même discours, vous pouvez regarder ça sur Internet. Il a toujours ce discours, voilà. Les autres pays exportateurs... abuse de nous, etc. C'est un discours qui est revenu constamment. Mais Stephen Bannon, qui est l'ancien rédacteur en chef de Breitbart, est vraiment le grand penseur qui je lis dans la presse française des trucs mais à coucher dehors. Le type est un officier, je crois, de la marine américaine. C'est quelqu'un qui est diplômé d'une des plus grandes écoles économiques des États-Unis. Enfin, c'est tout sauf un imbécile. Pensez, quand vous lisez la presse française, vous avez l'impression que les Américains sont des cons, mais du haut en bas, que ce sont des imbéciles heureux. Ils ne savent même pas compter, littéralement. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, les États-Unis. Alors, on peut faire beaucoup de reproches aux Américains. Mais il ne faut pas leur faire trop de reproches non plus. Il faut quand même coller aux faits. Et ce bonhomme-là, il a expliqué sa pensée, en fait, bien avant que Trump le choisisse comme conseiller principal sur les questions économiques. Et il s'est défini comme un nationaliste économique. Et il a dit « Moi, je viens de l'école libérale. Donc je comprends le libéralisme. Je comprends les règles du libéralisme. Et même de l'école libertarienne. Je comprends tout ça. » Mais par certains aspects, je comprends aussi des éléments du keynésianisme, donc de la politique de relance plutôt socialisante. Mais en même temps, je suis un nationaliste. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve dans la politique de Trump. Et c'est ça qui est fascinant. Et là, moi, je suis admiratif des Américains, franchement. C'est-à-dire qu'ils font un choix politique. C'est-à-dire que le peuple américain décide de voter, voilà, on choisit ce candidat. Trump est celui qui... Il n'est pas arrivé avec des branleurs. Il est arrivé avec des gens complètement nouveaux. C'est ça qu'on veut, en fait, des gens nouveaux. Avec des idées nouvelles. Peut-être que certaines sont fausses, mais en tout cas, elles sont nouvelles. Et des gens qui ne viennent pas du cénacle. Ils arrivent au pouvoir, ça prend pas un mois, ça prend pas deux mois, c'est pas six mois, c'est 48 heures. Ça commence, c'est tout de suite. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Et le principe de l'administration me plaît beaucoup aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on arrive... Il y a 4000 à peu près postes dans l'administration gouvernementale qui sont à pourvoir. Et ceux qui les occupent dégagent. Et en plus de ça, d'autres peuvent partir. Peuvent être démissionnés ou peuvent partir volontairement. En France, il n'y a pas ça. Vous choisissez le parti qui arrive au pouvoir et c'est à la discrétion de ces gens-là de mettre qui ils veulent, etc. Mais en général, ils ne changent pas grand-chose. Alors qu'aux États-Unis, il y a un ménage qui est quand même beaucoup plus net. Et on l'a vu avec Trump au niveau sécuritaire et autres. On va y venir d'ailleurs. Hein. Mais c'est ça qui est fascinant, cette capacité d'alternative et de changement aux États-Unis. Honnêtement, j'en suis assez admiratif. Il y a un sérieux dans la politique américaine au moment clé, quoi. Parce que par ailleurs, c'est vrai que avec Bush, avec Obama, ils ont fait n'importe quoi. Moi, je le confesse, bien évidemment. Mais là, ils nous donnent quand même une leçon de politique, surtout au plan économique, qui est assez captivante, je pense. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de réagir, quoi, que nous, on n'a pas. Ouais. Nous, la France, c'est une administration quasi omnipotente, et puis qui ne bouge pas. Hein, la Hollande, un an avant de partir, ça fait des mois qu'il place tous ses copains, donc des promotions, tu vois, voilà. Donc, c'est-à-dire que quand l'autre va arriver, ben, il va se retrouver avec tous les mecs de Hollande placés aux plus hautes responsabilités dans les corps d'État. Ça bougera jamais, hein, ça peut pas bouger, en tout cas pas en France. Ouais, c'est ça. C'est en fait, c'est ces soi-disant mecs de gauche ou ces soi-disant mecs de droite, cette bourgeoisie, a un antidote contre la révolution qui est le fait de placer les copains sans arrêt. Et en fait, aux États-Unis, ils ont cette capacité de changement. Alors attention, on voit bien, hein, Trump, il digère pas non plus. Hein, les élites américaines, beaucoup d'entre elles ne digèrent pas. Mais ils y sont parvenus. Donc ils ont encore cette fraîcheur de pouvoir contrer une certaine bourgeoisie chez eux. Ils n'ont pas mis le prolétariat au pouvoir, hein, je ne suis pas en train d'expliquer ça, mais de mettre au moins une bourgeoisie nationale en situation qui puisse aider le peuple américain au moins à changer certaines choses. En France, comme tu l'as très bien dit, c'est pas le cas. Hein, c'est pas le cas. Alors Donald Trump s'est pas contenté de mesures économiques drastiques, comme on l'a dit, et pourtant Dieu sait que c'était assez radical. Il a annoncé la construction du mur anti-migrant avec le Mexique. C'est une longue promesse, et tout le monde disait « Non, mais attendez, les gars, rassurez-vous, une fois qu'il sera élu, ça n'arrivera jamais. » Enfin, ça, c'était un des leitmotifs de la gauche américaine, même de la gauche française, hein, ou européenne. Mais c'est des promesses pour faire voter les bas du front. Au final, il n'y aura pas de mur. Et ça y est, c'est lancé. Ça va commencer dans quelques mois, a dit Donald Trump. Les budgets, j'ai trouvé ça particulièrement... Alors, commentez là-dessus, s'il vous plaît. On lui a demandé comment vous allez financer le mur. Il a dit, je vais prendre sur le budget d'aide au Mexique. Ça commence juste comme ça. C'est-à-dire, il y a des budgets, vous savez, d'aide au développement. Alors, il y a des budgets d'aide au Mexique. Il a dit, on va prendre sur l'aide au Mexique. Voilà, on va construire le mur. Ça semble logique, en fait. Hein. Stop Metec. Ouais, stop Metec, ouais. Et à partir du moment où il ne veut pas chez toi, pourquoi tu paierais pour les aider, je veux dire, mec. On en a parlé dans les émissions qu'on alimentait ici. Par la frontière mexicaine. Même le Hezbollah est au Mexique pour faire passer des militants terroristes sur le sol américain. Même l'État islamique. Et c'est des données qui sont avérées, puisque il y a Judicial Watch aux États-Unis qui le documente sur la base de documents officiels qui font déclassifier. C'est une organisation américaine. C'est beaucoup plus carré en France. En France, tout est caché, on ne sait jamais rien. Aux États-Unis, il y a une transparence beaucoup plus grande. Cette organisation fait déclassifier des documents. Ils ont démontré, sur la base de documents officiels, que l'État islamique avait des cellules présentes de l'autre côté de la frontière mexicaine avec les États-Unis. Idem pour le Hezbollah. Les types planifient des actions depuis le Mexique avec les cartels mexicains contre les États-Unis. Et vous pensez qu'un président américain comme Trump va laisser ça faire ? Trump, Obama le laissait faire, mais pas Trump. Et ça, c'est la partie dont on ne parle jamais. Et les cartels mexicains qui inondent de CAM les États-Unis. Et au passage, la CIA qui se servait largement. Donc à mon avis, vous savez, il y a une guerre interne aux États-Unis qui va se dérouler. Mais quand il dit « je bâtis le mur, je contrôle tout ce qui rentre aux États-Unis », là, on est sur un sujet de souveraineté. Et c'est dingue. Mais parce que toute cette histoire de vertu, de droits de l'homme, de droits humanitaires, c'est de l'écran de fumée. Les gens qui sont dans les médias en train de financer tout ça, enfin en train de lancer ces campagnes, sont financés par toutes ces crapules qui disposent de milliards, de dizaines, de centaines de milliards de dollars de l'argent de la CAM, etc., qui sont mêlés aux politiciens, aux services de renseignement, etc., services de renseignement qui, sur toute la planète, se financent notamment par le trafic de CAM. Ces gens-là essayent de défendre leur business et ils montent des pauvres pépitos à la frontière, ah, je me suis fait expulser. C'est un écran de fumée. Et Trump, là encore, est un vrai patriote qui défend le peuple américain, qui rétablit la frontière avec le Mexique, qui était et qui aurait dû être mise en œuvre il y a 30 ans. Et de voir la campagne de haine qui se déverse contre lui est juste hallucinante. C'est juste du bon sens. Tu ne veux pas voir les cartels de la drogue ultra-violents, beaucoup plus violents que les Algériens qu'on a en France, tuer des familles, s'emparer du territoire, détruire littéralement la société dans plusieurs états frontaliers, prospérer. Ça n'est pas possible. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose là-dessus ? Ouais, parce que les cartels, quand même, bon, alors maintenant, c'est vrai qu'on a des décapitations ici, hein, mais les cartels mexicains, c'est... vous prenez un film gore avec les trucs les plus dégueulasses auxquels vous pouvez penser, c'est ça, quoi. Ça décapite, ça viole, ça tue, ça ampute, enfin, c'est vraiment nawak, quoi. C'est ignoble. Ils ont d'ailleurs un pouvoir qui est impressionnant. Ils ont tellement de monde là-bas et tellement d'armes que, si je dis pas de bêtises, ils avaient tendu une embuscade à des forces de police, justement les stupes mexicains, et que là, ça avait été une boucherie, en fait. Bah, rappelez-vous, il y a El Chapo, qui est un des chefs d'un cartel mexicain, un des plus puissants du Mexique, qui aurait été plus puissant qu'un président du Mexique, hein, a été expulsé la semaine dernière aux États-Unis. Parce que les Mexicains ne peuvent pas garantir sa détention. On en est là au Mexique. C'est-à-dire que la drogue a détruit la société mexicaine, les cartels contrôlent le gouvernement, et les États-Unis ne veulent pas voir leur société ravagée par ça. Il faut bien comprendre, vraiment j'insiste là-dessus, vous ne pouvez pas laisser, vous ne devez pas, et vous ne pouvez pas laisser la drogue infiltrer votre quartier, votre famille. Et ceux qui trafiquent de la CAM sont des gens qui sont pires que des chiens. Ils doivent être éliminés. Et là, je le dis publiquement, je veux dire, un trafiquant de CAM doit être éliminé. Éliminé. Éliminé. On peut pas... ça n'a rien à voir avec un voleur. Non, ces gens détruisent la société. On n'a pas bien compris. Tu peux le répéter une dernière fois, s'il te plaît ? Éliminé. Merci. Les dealers de drogue. Il y a le président des Philippines qui a quelques idées là-dessus, très intéressantes. Mais voilà, mais exactement. C'est-à-dire, on a vu l'Union européenne voler au secours au nom des droits de l'homme de 3000 trafiquants de... Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, mais les socialistes à Marseille, ils ont une autre idée. Ils ont dit qu'il fallait légaliser le cannabis. Donc, ça veut dire qu'ils veulent bousiller la jeunesse. Bah, voilà. Nous, les nationalistes, toutes chapelles confondues, on est très clair sur le trafic de CAM. C'est la répression pure et dure. Ah ouais, l'iranienne, les mecs pendus au bout de grue, quoi. On ne peut pas faire de compromis avec ces gens-là. Ils détruisent des enfants, ils détruisent des familles, ils détruisent des sociétés, ils détruisent la nation. Aucun patriote digne de ce nom ne peut tolérer le trafic de CAM. Ça doit être réprimé sans aucune concession. Et c'est là que Donald Trump, encore une fois, est un patriote. Mais les autres, cette vermine médiatique, va présenter l'affaire, non pas comme une question relative à la sécurité et à la drogue, mais d'abord et avant tout comme une question de racisme et de xénophobie, ce qui est à dégueuler. Si on avait les moyens pour expliquer à la population à quel point elle était manipulée et la façon dont elle était manipulée, je crois que tous ces journalistes, ce qu'on verrait, si les gens le comprenaient, je crois que la population se jetterait sur les journalistes et irait les pendre au coin des rues. Je pense. Sur ces bons mots, je continue. Alors, le ban sur les musulmans, l'interdiction de territoire des musulmans, ça a commencé, ça y est, c'est parti. 48 heures après la signature du décret, les musulmans sont interdits du territoire américain. On a les premiers témoignages en Irak, au Qatar... C'est fini, on ne peut plus mettre un pied sur le territoire américain. Moins de 48 heures. Argyle, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus sur cette exécution immédiate d'une décision présidentielle? C'est la mesure de bon sens contre le terrorisme islamique. Pourquoi il y a une possibilité infini actuellement en Europe pour les terroristes d'agir sans problème, c'est parce que l'Europe est infestée de musulmans, est infestée d'islamistes. Donald Trump, pour éviter qu'il y ait du terrorisme islamique sur le sol des États-Unis, il interdit aux islamistes de venir. Mais c'est un tel bon sens que, et ça ne pourra être qu'efficace. Et là, le fait qu'il applique ce qu'il avait dit aussi rapidement, c'est voilà, c'est couillu, c'est comment, c'est véritablement fort. C'est beau, c'est beau. À aucun moment il ne plie, il essaie de tergiverser, il essaie de dire oui mais non, directement les pays d'où viennent les pires crapules, les pires salopards qui ont une haine intégrale du blanc, de l'Occident, de tout, de la chrétienté. Eh ben, il empêche les gens de venir. Et il a bien dit qu'il allait aussi comment virer les immigrants, les migrants au passé criminel qui ont commis des actes de délinquance ou des actes de criminalité sur le territoire des États-Unis, et que si les pays dont ils sont originaires ne sont pas d'accord pour les reprendre, eh ben il n'accordera plus aucun visa pour ces pays. Mais c'est des choses de bon sens que évidemment nous on souhaitera appliquer pour la France, qu'on souhaite voir appliquer dans tous les pays blancs européens. Mais Donald Trump est en train de le faire. C'est qui aurait cru qu'on arriverait que l'exemple viendrait des États-Unis. C'est voilà, c'est une divine surprise. Il faut savourer et il faut vraiment rendre hommage à Donald Trump qui apparemment n'a pas du tout l'intention de se déballonner et de d'essayer de gérer le déclin ou de gérer les choses voilà comme un administrateur. Non, il a décidé de tout changer, de protéger les Américains et d'appliquer ce qu'il va dire. Chose qui met en position latérale de sécurité les journalistes qui ne sont pas habitués, en particulier la presse française, qui est absolument pas habituée à voir un président élu tenir ses promesses, surtout en une semaine. Il a envoyé que du lourd depuis une semaine. Donc ouais. Voilà, moi je regarde ça avec admiration et j'espère qu'un jour nous aurons la possibilité de voir appliquer ce type de mesures en France et en Europe. Surtout que la norme en Europe, c'est que quand on veut expulser quelqu'un de son pays d'origine, si le pays d'origine il veut pas, voilà, on est là, sur l'empeigne sur les bras, le mec. Hein. Ah mais c'est vraiment la même, mais c'est la même, on se ouais, fait. Ouais, le tueur là de en Allemagne là, l'espèce d'arabe ouais. Qu'ils avaient arrêté à Milan, qui avait déjà fait de la prison. Le type avait fait de la prison en Italie. Ils avaient voulu le renvoyer en Tunisie, hein, parce qu'il était de là-bas. Et les Tunisiens ont dit « Ah ben non, on n'en veut pas, démerdez-vous. » Et donc, voilà, donc ça s'en est resté là. Les Italiens, ils sont repartis là contre les jambes. Et puis le mec, il est resté là, il a fait un carton. Quoi. Donc voilà, bonne façon de nous traiter, effectivement, vous reprenez votre merde. Bah, voilà. Non mais sinon, voilà ce que c'est que délire des gauchistes. Non mais même, imaginez si on avait des régimes forts... en Europe, mais regardez comment tous ces crevards d'Afrique du Nord, tous ces nègres partiraient en courant juste à nous, à notre simple vue. Bah oui, non mais c'est quand même incroyable qu'un pays comme l'Italie se fasse marcher dessus, voilà, par la Tunisie. Par les bougnoules de Tunisie, mais c'est à coucher dehors. Des bougnoules qui habitent sur une timbre-poste, quoi. C'est que dalle. Bah non, Tunisie, ça ressemble à rien, quoi. Non mais c'est hallucinant. Mais voilà, les mirobolantes réalisations, n'est-ce pas, de la République italienne qui vaut bien la République française, hein, pratiquement. Oui, ouais. Bah oui, c'est alors, vas-y Fulbert. La mise en application là des directives de Trump sont extrêmement rapides, comme cela a été dit plus tôt. Hein. J'ai sous les yeux ici un article paru dans la presse belge. Où l'on explique que des gens dans ce cas-ci, enfin, 5 Irakiens, un Yéménite, plusieurs Iraniens, qui avaient déjà leur visa pour se rendre aux États-Unis, arrivent aux États-Unis et sont immédiatement interpellés parce qu'ils contreviennent à la législation qui est passée tout récemment. Et naturellement, il y a plusieurs organisations comme la CLU, American Civil Liberties Union, et une autre encore que je ne vois pas pour l'instant, interviennent. Ce sont évidemment les gauchistes locaux, ce sont l'équivalent de nos droits de l'homme, etc., etc., quoi. Mais c'est immédiatement appliqué, ce qui est quand même extraordinaire. Juste avant qu'on passe sur autre chose, petite entorse, je reçois un mail d'un diocèse, là, tu vois, accrochez-vous. Hein. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli, Mathieu 25-35. Venez à la réunion, etc., etc. Trois familles de notre paroisse ont déjà accueilli un jeune Afghan. Une expérience positive dont elles témoigneront. Voilà. Alors, écoutez, face à des gens comme ça, il faut aller avec trois gros quatre gaillards, entourer le curé et lui dire que la prochaine fois, ça se passera différemment. Exactement. Allez. Non, non, non, ça, mais, ça, non mais là, il y en a... Écoutez, c'est simple. Là, je m'adresse à vous tous, nous écoutez. Il faut être pratique dans la vie. Et il faut être à l'image de Donald Trump. Si votre curé de paroisse vous colle un Afghan dont vous ne connaissez rien et qui, probablement, une fois sur deux, est un apprenti djihadiste en puissance, dont il se lavera les mains des actes si jamais le type décide de violer une gonzesse, de vous insulter ou de tabasser votre petit frère en passant toutes les joyeusetés du truc. Vous prenez 2, 3, 4 gaillards, vous allez à la messe. Vous attendez la fin de la messe et vous allez choper le mec à la sortie. Il dit « Toi, Coco, t'as un premier avertissement cette fois-ci. La prochaine fois, ça sera un peu plus viril. » Alors réfléchis bien à ce que tu vas raconter dans ton prochain sermon, toi. Curton. Et ceux qui m'ont entendu. Et cette phrase, elle passe. Les curtons, les évêques qui lèchent le cul des musulmans, ils doivent être mis à l'amende. Tous autant qu'ils sont. Tous autant qu'ils sont. Et si ici des écritures, ils doivent être encore plus mis à l'amende. J'espère que le message est passé. Bonsoir. Vous allez dire ça ou... Ça passera. Ça passera. Ça passera. Chers amis, ça n'est pas fini puisque Donald Trump, il nous régale. Il nous régale. C'est le Père Noël. Coupe de transfert budgétaire pour les villes qui aident les migrants clandestins. Décision qui sera mise en application par le général du corps des Marines des États-Unis, John Kelly, qui était responsable du commandement sud des États-Unis, c'est-à-dire de l'Amérique du Sud, du Mexique et des Caraïbes. Il est à la tête de ce qui est virtuellement l'équivalent d'un ministère des affaires du ministère de l'Intérieur américain, 52 milliards de budget, et c'est lui qui va lancer la traque contre tous les réseaux de passage de migrants clandestins, plus, évidemment, les cartels et autres. Quelqu'un veut réagir là-dessus? Pas forcément nécessaire, mais enfin, voilà, ça fait partie des mesures qu'il a prises. Bah, ça va beaucoup changer le financement public des villes comme San Francisco, Los Angeles, enfin, toutes ces grandes villes remplies de métèques, et qui sont effectivement des sanctuary cities où on accepte des sans-papiers, etc., vont avoir des gros problèmes d'argent. Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'en Californie, quand tu es un clando, tu peux quand même avoir ton permis de conduire. Oui, oui, oui. D'ailleurs, il y a les statistiques des accidents de la route sont très, très, très élevées chez les mexicains. Ouais, voilà, ouais. Et d'ailleurs, Trump a soulevé... Parce que ça, il faut comprendre aussi un truc. Ah oui, attends. Je ne sais pas si on en a parlé encore, mais... Vote populaire ? Non, c'est par rapport à ça que ça m'intéresse d'en parler. C'est que Trump a annoncé que chaque semaine, ouais, à partir de... Voilà, chaque semaine, il allait publier, via les organes officiels du gouvernement américain, une liste de crimes commis par des étrangers criminels. Ouais. Et alors, de souche sur le site du gouvernement américain. C'est ça. C'est-à-dire que personne. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de dire écoutez, les gars, vous êtes des gauchistes finis à la pisse, vous ne comprenez rien, on va vous mettre la réalité dans la face. Quoi. Name and shame. Mais il y a plus que ça. Il a dit aussi. Comment dire, il y avait le. Oui, le vote populaire. Il a lancé aussi une grande enquête sur la fraude électorale en disant « j'ai gagné le vote populaire ». Parce qu'officiellement, Hillary Clinton a gagné de 3 millions le vote populaire, mais pas le collège électoral. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, les États-Unis sont une fédération. Ce sont les États-Unis, c'est une union d'États qui ont une autonomie interne. Il y a 50 États aux États-Unis, vous le savez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le collège électoral empêche qu'un État, au motif qu'il serait plus peuplé qu'un autre, comme l'État de Californie par exemple, de faire basculer une élection présidentielle au profit des grandes zones peuplées et au détriment d'États qui sont des États plus ruraux mais qui ont des intérêts particuliers. Donc c'est une fédération et chacun en fait y met un petit peu du sien, donc on refuse que le seul critère démographique soit prévalent. C'est normal, c'est un continent, c'est gigantesque, ça se comprend. Et les gauchistes, qui l'ont bien compris, soudainement se découvrent partisans d'un État unitaire, où toute voix devrait valoir l'équivalent d'une autre voix, indépendamment de cette réalité fédérale. Et Trump a dit d'accord, il a réagi à ça, il a dit ok, on va creuser là-dedans, parce qu'il a bien compris un truc, c'est que Trump gagne le vote populaire si on enlève la Californie. Ce que personne n'a expliqué. C'est-à-dire que si on enlève la Californie, il a le vote populaire, Trump. Et pourquoi la Californie? D'abord parce que c'est peuplé de métèques, qu'ensuite c'est Comiland, hein, c'est un pays de communistes fini à la piste, surendetté. Et tertio, ce truc-là, si on fait une enquête dans le détail sur les clans d'eau, on va se rendre compte que même avec tous les métèques qu'il y a là-bas, ils ont probablement pas gagné le vote populaire, tu vois. Et peut-être même pas l'État, tu vois. Enfin, j'en sais rien, je pense que l'État, ils l'ont quand même, parce qu'il avait quand même, je crois, 2 millions de voix, un truc comme ça. Mais en tout cas, il a vraiment décidé de fourrer son groin là-dedans, et il a dit, ah, on va creuser sur le vote populaire. Et il s'est pas dégonflé. Et alors, ils étaient outragés, comment Trump dit les illégaux, les clandestins ont voté à l'élection présidentielle. Non, c'est vrai que c'est pas le genre du gouvernement d'Obama et des socialistes américains de faire voter les bambous là. Non, c'est vrai que ce serait très étonnant quand même que ça soit passé cette affaire-là. Je trouve ça fascinant, je veux dire, ce type est sur tous les fronts, il ne lâche rien, c'est incroyable. Mais il est détruit à tous les niveaux, c'est économique, sécuritaire, politique, il est partout. C'est juste magnifique. Et la Californie a lancé un mouvement de séparation, là. Je sais pas si t'as vu ça, de la ville, là. Qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Oui, quel exit, là, sur le modèle du Brexit? Bah, moi, ce que j'ai à dire, c'est que, oui, qui se séparent le plus possible casse. Pour faire leur poubelle à nègre, pourquoi pas, hein, moi, ça me dérange pas. Ouais, c'est ça. Bon, on va pas continuer là-dessus, mais c'est vraiment une présidence qui commence sur les chapeaux de roue. Je terminerai juste là-dessus. Après, vous pourrez... Ouais. Oui, j'ai évidemment, éventuellement, avant de fermer l'émission, tout à l'heure, dans les vies, a parlé de la décision de Trump de publier tous les méfaits criminels d'étrangers, de clandestins ou quoi. Bon, je signale quand même, il est peu connu, est-ce que je peux relayer un site français qui fait exactement la même chose, et ça vaut la peine de le connaître, parce que rien que pour le mois ici de janvier qui n'est pas terminé, il y a une liste en petits caractères, je sais pas moi, elle fait 50 ou 60 centimètres de long, et chaque ligne qui ramène un événement donne la source. C'est un site très intéressant. Bah, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, hein. Vas-y, ouais. Bon, ce site s'appelle, je donne le lien en le détaillant, Faits divers France, en un mot, faits au singulier, hein. Donc, faits divers France.wordpress.com. C'est effarant ce qu'on voit là-bas. D'accord. Voilà. Faits divers.wordpress.com. Le message est passé. France.wordpress.com. D'accord, ouais. Faits divers, il n'y a pas de S à fait. Faits divers France.wordpress.com. Faits divers France.wordpress.com. D'accord, les gens pourront aller le visiter. Et je terminerai là-dessus avant de laisser le dernier mot à mes participants, à nos participants. Donald Trump, pas plus tard qu'il y a même pas 24 heures, a dit qu'il voulait maintenir la torture pour les terroristes musulmans. Hein, dans une interview face caméra, il a dit je veux la torture pour les terroristes musulmans. On lui a dit mais qu'est-ce que vous en pensez un tel? Il a dit non, je veux qu'ils soient torturés. Donc voilà, bon. Voilà, c'est bon, c'est ça donne le bonjour temps. Qui veut, je vous laisse le dernier mot en random. Vous pouvez simplement dire au revoir. Je veux bien, juste pour ceux qui ont raté cette semaine, aller voir les aventures de du live stream de Shia LaBeouf, là, Shia LeBeouf, hein. Shia LeBeouf, ouais, Shia LeBeouf. C'est un acteur juif américain qui est très connu pour avoir joué dans Transformers. et qui, à la suite de la victoire de Trump, a lancé une sorte d'opération. Il a une caméra qui fait du live streaming depuis un endroit public à côté d'un musée à New York. Et il participe régulièrement, il vient et il y a des gauchistes avec lui qui chantent « He will not divide us », donc « Il ne nous divisera pas ». Et la section Paul politique de 4chan a eu vent de cette affaire et s'est décidé à envoyer des gens qui sont allés troller ce mec jusqu'à ce qu'il y a un jour ou deux maintenant, il se fasse arrêter pour avoir violemment poussé devant la caméra un mec qui après s'être pris en photo avec lui devant la caméra tout sourire, a annoncé en public « Hitler did nothing wrong ». Voilà, Hitler n'a rien fait de mal. Donc effectivement, le pauvre chi le bœuf, là, il a des soucis. C'est assez rigolo ce qui s'est passé. Donc si vous avez raté ça, je vous encourage à aller voir. Et ça va encore plus loin que ça, parce que les médias ont annoncé donc, que c'était un néo-nazi, blablabla, blablabla. Et les potes du mec en question sont venus après. Ils avaient tous des têtes de latinos. Et ils ont dit, notre ami n'est absolument pas néo-nazi, il est comme nous, portoricain, ou je sais plus quoi, enfin, il était hispanique. Quoi. Et là, eh ben, le silence. Meltdown complet, fusion nucléaire, ouais, voilà. Ouais. Alors moi, j'ai hâte d'être la semaine prochaine pour voir les nouveaux décrets de Donald Trump, hein, ah, pour garder un peu sous le coude. Je sais qu'il, je pense pas que ce soit passé dans les décrets qu'il a signé cette semaine, mais il paraît qu'il tenait absolument à ce que ceux qui brûlent le drapeau américain lors de manifestations ou sur des vidéos soient condamnés à de la prison ferme et que ce soit un crime fédéral. Donc je crois que ce serait pas mal. Je pense que c'est le truc suivant. Je sais pas si on l'a bien noté aussi. Il a passé un décret pro-vie aussi, hein. Un décret qui interdit le financement public à toute organisation faisant la promotion de l'avortement. Voilà. Donc, international, c'est-à-dire le financement de la part d'un organe américain à toute organisation sur le plan national ou international qui fasse la promotion de l'avortement. Donc les vieilles lesbiennes dégueulasses qui s'occupent du planning familial ont des quelques soucis à se faire. Exactement, oui. Et George Soros aussi. Moi, j'attends simplement qu'il fasse un décret interdisant d'être communiste aux États-Unis sous peine de mort, et là, je serai aux anges, à peu près. Ça sera bien. Il en est capable. Ça pourrait être intéressant. Mais le problème, c'est que les gens ne se déclarent pas communistes. Ils ont un peu honte, quand même. On sent qu'il y a quelque chose de honteux. Hein. Il y a plus aujourd'hui... Ouais, dire que t'es communiste, c'est comme dire que t'as le sida. Hein. Il y a presque plus de gens qui se revendiquent nazis que de gens qui se revendiquent... Enfin, ça commence à inverser la tendance, quoi. Je sens qu'on va vers des lendemains qui chantent, quand même. Ah. Eh bien, sur ces bonnes paroles, à la semaine prochaine, chers amis. Et à la semaine prochaine. Salut. Bonjour. À plus. Ha ha ha ha!